écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Recette pour Alexandra Carignan? Oui. Art, spectacle, charme. Ah. Oh. Voici le temps d'une culture. Je ne suis pas parti à la bonne place encore. C'est pas mieux. Ça va être là. Hop là! Sandra. Hey, ça va bien? T'as aimé quand même. Bon matin à toi. Bienvenue parmi nous. Allô. Allô. Très, très tôt le matin. Oui, cette semaine, j'ai brisé toutes les conventions et je suis venue tout de même à 7h30. La convention Incroyable. Collective de Genève, là, oui. De notre assemblage requis. Oui. Surtout la convention de mon cadran. Et tu nous parles d'un spectacle comme toujours. Oui, ben en fait, comme toujours, je sais que la semaine dernière, j'ai été un peu plus... visuel, hein? Oui. On a parlé de beaucoup d'expositions. Cette semaine, contrairement à la semaine dernière, là, j'y vais vraiment le spectacle à fond. Cool. Oh. Pour la simple et bonne raison que ben, ça a donné que j'ai vu un spectacle et que j'ai interviewé un artiste. Donc, c'est aussi simple que ça. Vous autres aussi, on l'a rencontré, tu seras. Et vous oui, fait d'ailleurs. Une performance live en studio, même. Oh. Il est magnifique, cet enfant-là. Je le marierais. Et là, je vais le dire, c'est qui? C'est So Called. Oui. C'est aussi simple que ça. Josh. Oui. En fait, Josh Dolgan, qui est en fait un artiste québécois, anglophone, qui maintenant est à Montréal. Vous le connaissez souvent parce qu'il y a eu un documentaire sur sa vie. Le documentaire de So Called. parce que c'est quelqu'un d'assez spectaculaire. Donc, oui, c'est un chanteur, compositeur, mais surtout, c'est l'inventeur du hip-hop yiddish. Et surtout, c'est un marionnettiste, ce qui est souvent impressionnant. Donc, il fait ses propres marionnettes. Il y a plusieurs artistes, plusieurs CD. Il faut m'excuser. Hein. Ça fait pas longtemps que je suis levée. Bon, fait que nous autres, ça se pardonne tous les matins. Oui, c'est ça. Ça. Il y a plusieurs CD. En fait, il y en a un qui a été comme des best-of de chansons yiddish, là, un peu. Qui compte pas, selon toi. Qui compte pas, selon moi. Mais tu sais, selon moi, là, moi, c'est ce que je pense. Il y a deux albums solo, en fait. Son dernier, Sleepover, qui a quand même été très populaire. Il est d'ailleurs venu à Trois-Rivières pour sa tournée de Sleepover. Et là, il s'adonne que ce pourquoi on en parle aujourd'hui, ce pourquoi il va revenir à Trois-Rivières le mois d'octobre, c'est parce qu'il a eu l'idée de commencer une comédie musicale. Là, vous faites « Ah! » Une comédie musicale. En fait, c'est dans le cadre du festival Pop Montreal, qui est un festival anglophone à Montréal. Le directeur est allé le voir et sachant que c'était un homme à tout faire, il a dit « T'es sûrement capable de monter un show multidisciplinaire où on présente tous les arts de la scène. » Là, il fait « Ça sonne comédie musicale pour moi. » Surtout que lui, il adore la comédie musicale et c'est quelque chose qu'il voulait faire depuis longtemps. Alors, il y avait déjà des idées un petit peu dans sa tête. Il avait bisonné des marionnettes par-ci, par-là. Et il sortait avec l'idée de The Season, une comédie musicale un peu multi-ethnique, où est-ce qu'on retrouve un peu de tout. Et là, un peu de tout, on parle de, bien évidemment, sa chanteuse préférée. En fait, celle qu'on retrouve partout, là, c'est Katy Porter. Toutes les voix qu'on voit sur ses CD, c'est elle. Mais on retrouve aussi Rick Lee. Et là, vous dites, Rick Lee, mais qui est ce garçon? C'est le chinois de Star Academy. Fait que... fait qu'il prend n'importe qui, c'est vraiment multidisciplinaire. Quand c'est vraiment mauvais. Pour de vrai, c'est bon. Pour de vrai. Et là, moi, j'écoute... La première fois que j'ai écouté CD, je l'ai écouté one shot comme ça. D'habitude, quand j'achète un CD, je l'écoute tout de suite dans l'auto. J'attends pas. Et là, je fais, ah, c'est qui cette voix-là? T'sais, elle est bonne. Et là, j'arrive et je fais Rick Lee. Ça me dit donc même pas grand-chose. Et je google ça. C'est le chinois de Star Academy. C'est étonnant à quel point il est bon. Je pensais pas que ça allait être bon de même. Et surtout, il y a Yves Lambert. La bottine souriante. La bottine souriante qui chante pour la première fois de l'univers en anglais. En anglais, oui, c'est vrai. C'est... Mais en fait, lui, pour lui, c'était comme une espèce de contradiction parce que le festival Pop Montreal, c'est un festival qui veut encourager la culture anglophone. Mais. Et Yves Lambert, qui est celui qui encourage la culture francophone. Presque, en fait, peut-être, sûrement, assurément souverainiste. Probablement. En fait, ben pour lui, c'est qu'il l'avait déjà rencontré dans un festival. Yves Lambert joue de l'accordéon, Socald aussi. Socald, il fait tout. OK, il fait tout. On statue ça, il fait tout. Alors, il a rencontré Yves Lambert. Il trouvait que ça semblait intéressant de collaborer avec lui. Ça tombait que, pourquoi j'inviterais pas Yves Lambert pour ma comédie musicale multiethnique? Alors, il s'est lâché lousse et ça fait The Season. C'est ce pourquoi il va être à Trois-Rivières. Une comédie musicale vraiment, là, pas pêle-mêle, parce que la beauté de Socald, c'est qu'il va prendre tellement de styles différents et va réussir à les rendre harmonieux que ça en est assez capotant. Et d'ailleurs, je vais aller vous faire écouter un extrait de The Season. Et là, c'est particulier, c'est de la comédie musicale, mais c'est du rap. OK. Mm-hmm. Puis vous êtes pas au dîner de con parce que c'est pas la chronique. Et on n'est pas au dîner de con parce que je présente pas. D'habitude, je présente des comédies musicales. Celle-là n'a pas fait de Broadway, hein, on s'entend. Mais elle est magnifique. Alors, on va l'écouter Chippin' In. It doesn't matter if you're pulling your weight. Come on, make a change. Put your back in it. Attacking it. All for one and one for all. Cooperate. Yeah, we chipping in. Helping out. Make it right. Do your thing. It doesn't matter if you're pulling your weight. Come on, make a change. Put your back in it. Attacking it. All for one and one for all. Cooperate. Many brains make right the problem. Many paws make light the work. Now he's being sanctimonious. Too many chefs don't always boil the soup. Sometimes you stick in the kitchen, even if you can't stand the heat. We're playing catch-up, always racing to be late. Get wrapped up in the ins and outs of life we can't deal. This year we better get it done in time. If we all chip in, we'll get done in a flash. Chipping in. Helping out. Make it right. Do your thing. It doesn't matter if you're pulling your weight. Come on. And make a change. Put your back in it. Attacking it. All for one and one for all. Cooperate. We chipping in. Helping out. Make it right. Do your thing. It doesn't matter if you're pulling your weight. Come on. And make a change. Put your back in it. Attacking it. All for one, one for all. Cooperate. Chipping in. Do it right. Get it in. Helping out. Keep maybe not, how's it feel? Crazy, huh? One for all, summer, fall, in the spring. Do your thing, hump around, handle all of it. Be sanctimonious. Holy ish, rabbit dung, beaver spit, habit hung, hibernate. Show me love, why the hate? Homie, find the plate, split the meal, eat the food, take a shh. Watch your mouth, this is it, work it out. Don't lift a finger, it'll get done without me. Don't be an ass bunny, up represent. I'll come help later. My favorite show's on. I'll turn you into stew if you don't help with this fruit. C'était Chippin' In the Seasons, qui est la comédie musicale de Socald, que ce dernier va présenter à la Maison de la Culture. Vous avez vu, c'est très différent de ce qu'une comédie musicale peut oui. être. Et d'ailleurs, on a entendu Rich Lee chanter. Lui, c'est lui qui chantait un petit peu comme dans Glee, on dirait. Ben oui, mais c'est ça, Glee. Dans le bon sens. Non, c'était pas une insulte. Moi aussi, j'aime Glee. Donc, vous voyez, c'est très... Ben, en même temps, So-Called, là, son premier amour musical, là, donc c'était le rap. Là. Donc, ouais. ça, on le voit partout dans ses CD. C'est du rap, souvent. D'ailleurs, là, le chanteur qui rappait, c'est Yasin Al-Salman. The Narcissist, qui est, yo, en, ouais, yo. Qui est en, en fait, un rappeur juif de Montréal. Est-ce qu'on a entendu Yves Lambert dans l'extrait? Non, non, non. Okay. Yves Lambert, on l'entend surtout dans la première pièce, qui est en fait season theme. Là. Ça, on le manque pas. Okay. Bon. L'accent, j'imagine. Oui. Mais c'est drôle que tu... Ça parlait de ragoût. I'm gonna make you into stew, quelque chose. Ouais. Je comparais justement tantôt les différents styles musicaux, ben pas musicaux, mais les nationalités, disons, dans la pièce, dans la comédie musicale. Je parlais que c'était un ragoût. Ben, Colin, the season, l'assaisonnement, comme dans un ragoût. Non? Oui. Oui. Oui. Mais non. On est là. On est là. On suit. Ouais. Oui. Ouais, ah. OK. Mettons. Mettons. Si on veut. Mais en fait, l'histoire, on parlait de ragoût. En fait, l'histoire, c'est tout simplement un ours qui tombe en amour avec une extraterrestre qui arrive. Mais toujours ça, hein? Toujours. Tout le temps la même histoire. Toujours. Hein, tout le temps. C'est tellement banal. Et en fait, le problème, c'est qu'il y a le chasseur qui essaye de capturer les animaux. Et le chasseur étant évidemment Yves Lambert. Ben oui. Donc, les animaux, là, on retrouve le lapin qui rappait. T'as l'ours qui tombe en amour, qui est en fait Rich Lee. T'as The Beaver. Qui, ben, en fait, Justin Bieber. Non. Moi, ça sonne comme The Beaver Song dans How I Met Your Mother. OK. Je suis pas rendu là, un spoiler. Là. Ben là, non, là. Mais c'est drôle. Fait que voilà, The Beaver Song. Non, The Beaver. Donc, il y a aussi l'ami de Tina. Tina étant la marionnette rouge qu'on a reçue en studio en oui, direct. Oui, hein? on l'a reçue. Oui, triangle amoureux entre Josh, le so-called, et Tina. Et toi. C'était chaud. C'était très chaud. Oui. Et on rappelle la phrase clé à retenir là-dedans. Jean-Philippe, tu me la diras? Oui, c'est de toute façon, avec un doigt, c'est pas un viol. C'est ça. S'il y a juste un doigt, c'est pas du viol. Ah ouais. Oh là là! C'est ça la phrase clé qui est sortie de cette entrevue-là? Ouais. Oui, de ma part. S'il y aurait des coupons, là, ça serait ça à écrire dessus. C'est ça, l'indice. L'indice. Ça serait... Si c'est juste un doigt, ça serait c'est la phrase que Danny marquerait sur ta petite carte. Oui. Bon. Alors, si vous êtes intéressé par en fait la comédie musicale que debout que vous venez d'entendre, et là je vous le dis, là, ça représente pas du tout toute la comédie parce que c'est très lyrique aussi, donc c'est assez surprenant. Eh bien, il sera de passage à Trois-Rivières le 25 octobre prochain à la salle Alain Salard-Rousseau. Et là, méprenez-vous pas, c'est pas la comédie musicale qu'on va voir en spectacle. Hein. Il a pas amené Yves Lambert, Rich Lee okay. avec lui. Donc, c'est le spectacle des chansons de la comédie musicale. Ouais, c'est ça. Okay. Mélangé avec ses anciens hits aussi. Là, okay. Parce que ça coûterait trop cher de faire venir tout ça. Parce que c'est une grosse production là, qu'il a mis sur scène pour le Pop Montreal. Donc, on parle de... effets spéciaux, acrobates, mm-hmm. ainsi de suite. Donc, mais c'est quand même très intéressant. Un show de So-Called, comme lui l'a mentionné, c'est un show de So-Called normal, mais aucun show de So-Called n'est normal. Pour de vrai, je l'ai déjà vu en spectacle. Là. Même si on ne le connaît pas, il est hallucinant à voir sur scène à quel point c'est bon. Cathy Moore va être là avec lui, sa chanteuse de tout le temps. Sa muse. Oui, en fait, je pense que c'est réellement sa muse. Alors, c'est aussi simple que ça. Est-ce que j'ai le temps de vous parler d'un deuxième petit topo? Voyons donc, garde-toi. Lâchons-nous lousse. Kid Kuna était dans la place vendredi passé. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Kid Kuna, ben sortez dans tout de la roche, hein, parce que c'est un artiste supposément émergent, mais qui est là depuis très longtemps. Pour ceux qui connaissent les Ghouls, groupe rock de Québec, eh bien, c'était leur chanteur, mais aussi leur parolier. En 2008, il a sorti son premier album solo, qui est en fait une compilation de ses meilleures chansons écrites entre 1995 et 2000. Les années Monsieur, en fait. Mais ce qui va vraiment le faire ressortir, c'est Du plaisir et des bombes, qui est sorti mm-hmm. en 2012, deuxième album solo, qui, en fait, moi, sans savoir que c'était Kid Kuna, je connaissais la toune qui... Moi, j'ai de la misère avec les titres de toune. La toune sur la disque. Batiska. Non. Non, c'est pas... Non, Colin the Bean, j'ai pas ça sur mon ordi. TikTok. C'est pas tic-tac. Tic-tac. Non, c'est pas ça. Tic-tac, tic-tac. J'essaie de t'aider parce que je vois pas de titre qui porte un nom qui s'approche de ça. Napalm. Mais non, c'est pas de panique. Voilà, pas de panique. Je t'ai rendu à lui. Il avait tout à dire les autres tunes. Processus d'élimination. Moi, je connaissais la tune Pas de panique avant de connaître Kid Kuna. En fait, je l'avais entendue là, sûrement... Assez fou, évidemment, parce qu'on la jouait. Oui, ça doit être ça. Ça doit être ça. Alors, mais Batiscan aussi. Batiscan qui d'ailleurs a gagné le prix de la chanson Socan au mois de juillet dernier. Qui d'ailleurs était en compétition avec Danny Placard, avec Podcast, Gros Mené, mais aussi les célèbres Sœurs Boulées. Mm-hmm. Qui gagnent toutes, sauf le prix de la chanson Socan. D'ailleurs, Kid Kuna a fait beaucoup jaser récemment parce qu'il est justement en nomination, assez ironiquement. Dans trois catégories de la disque. Et là, ironiquement, c'est parce que la chanson Pas de panique mentionne qu'il va faire plein de cash, puis qu'il va être nominé à la disque, puis qu'il va remercier père et mère. Bon, fait que c'est ironique, mais il est en nomination dans trois catégories, donc l'album rock, l'auteur-compositeur, ainsi que révélation de l'année, ce qui fait tout le temps rire mon chum. Ouais. Alors, dans l'album rock, je pense pas qu'il gagne. Mais je l'aime pareil. Mais c'est parce qu'il y a non seulement les trois accords, mais il y a aussi Louis-Jean Cormier. Hein? Fait que ça va être assez difficile. Auteur-compositeur, on sait pas, hein? On sait pas. Révélation de l'année, il y a quand même encore les Sœurs Boulées. Fait que d'après moi, les Sœurs Boulées vont gagner. Après combien de temps tu peux plus être révélation de l'année? Ouais. Je sais pas. Une fois que t'es mort. Mais tu sais, sont bien bonnes, les Sœurs Boulées. Maman, on peut revenir. Ouais. Alors voilà, mon éditorial est fait. C'est assez subtil quand même comme message. Assez subtil. Donc, ça va être. C'était un spectacle très énergisant qu'on avait au Centre culturel Pauline Julien. Il y en a qui se sont assis, je comprends pas. J'avais juste le goût de danser tout le temps, même si j'étais en talon haut. OK, quand même, là. Cassé. Cassé, d'ailleurs. Oui, je me suis râpé le genou en m'entendant au Centre culturel Pauline Julien. Il me fait encore mal, d'ailleurs. Alors, c'était au Centre culturel Pauline Julien, salle très. Kid Kuna l'a mentionné de froide au début, mais c'était bien parce qu'on n'était pas très rapprochés. Éventuellement, il s'est rendu compte que, pour de vrai, je pense qu'il s'est vraiment rendu compte qu'on était un public vraiment intense et qu'on voulait être là. C'était pas la force du nombre, là. C'était la force d'impact. L'impact, pour de vrai. Il nous a demandé de chanter à quelques reprises, puis on aurait dit qu'on était au moins 5 fois plus nombreux qu'on l'était vraiment. Là. Oui. Cool. Ah oui, puis quand il finissait ses chansons, tu sais, on crie puis on tape des mains, là. Je pensais pas qu'on était à 30. Non. Alors, je pense qu'il a ressenti ça assez rapidement. On était un beau public. Il est bon en spectacle. Mm-hmm. Même si tu ne connais pas ses chansons, tu finis par aimer ça parce qu'il y a tellement une énergie. Il y a tellement aussi de l'émotion, en fait, qu'il transmet. Là. Au rappel, il a chanté Labrador ainsi que Batiscan. Et tabarouette. C'était beau. J'avais des frissons. J'ai eu du poil retroussé. Encore là, il est encore retroussé. Faut voir que je peigne. Ouais. J'ai essayé de l'aplatir ce matin, mais ça n'a pas marché. C'était si bon. Et en fait, ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il va toujours faire des espèces d'entrée poème, un peu comme du slam, avant chacune de ses chansons, qui va les introduire. Ça, c'est vraiment intéressant. Ce qui fait que c'est, oui, un spectacle. Ça aurait pu être dans le cadre du spectacle de la poésie, là, du festival, puis ça aurait passé dans le beurre. Là. C'était vraiment bon. Un spectacle qui en valait la peine. On n'était pas beaucoup dans le public, mais on est allé. Ouais. Si vous vous dites « Colin Dubin, je voulais voir Kid Kuna », n'ayez peur, mes enfants. Il sera de retour le 26 octobre prochain, soit le lendemain de Socald. Hein? Mm-hmm. Donc, ça fait des belles fêtes de semaine. Le lendemain de Socald, à la microbrasserie à l'affût. Vous en profiterez pour boire de la bonne bière à Saint-Tite. Et voilà. Voilà. Merci, voilà. Alex. Ça me fait plaisir. On va se quitter avec une pièce de Kid Kuna, sa tante. Oui. T'as le choix. Ben, moi, je dirais que Pas de panique, elle me fait vraiment rire. C'est celle que j'avais préparée, ça tombe si bien. Donc, Pas de panique de Kid Kuna et on te remercie. On te retrouve la semaine prochaine. C'est les lundis, mardi, à 8-9h. C'est quoi, 9h? À 9h, normalement. On revient à ta case de régulière. Ouais. Et on t'écoute aussi au dîner de con avec les comédies musicales, les comédies d'Alex. Yes. Ça, c'est les mardis midi. Oui, mais ce midi, ça va être avorté. Oh, voilà! C'est tout un peu grand, là. Ça va on être commence annulé. Pas un débat là-dessus, là. Aïe, aïe. Wow. C'est bien dit, ça. Mm-hmm. J'ouvre le frigo et puis je tombe dans le vide entre un vieux spaghetti au pesto et un oignon qui agonise. Je bats des ailes et je m'ennuie. Je ne vends pas de disques, m'imagine une autre vie pleine de sucre.

Twitter et contenant les termes « nerds » ou « geeks », eh bien, c'est un ingénieur logiciel originaire de Pittsburgh, en Pennsylvanie, qui a réussi à établir un graphique montrant la probabilité qu'un mot particulier apparaisse dans les tweets d'une personne appartenant à l'une de ces deux catégories. Autrement dit, Bert Settle a planché sur des expressions les plus utilisées par les geeks et celles les plus prisées par des nerds, différant ainsi leur centre d'intérêt et les thèmes de prédilection. Par exemple, pour les mots les plus nerdy détectés par le chercheur sont violoncelliste, neurosciences, goth et gamer. Goth comme gothique, là. Et gamer. Côté geek, les mots les plus utilisés seraient culture, brillant, tendance, webcomic, qui sont les vocables les plus fréquents. Des résultats que l'ingénieur a commentés sur son article publié sur son blog. Le lien est sur la page Facebook du Dîner de Cons. Et je le cite, il dit « Dans les grandes lignes, il me paraît clair que les hobby geeks tournent autour de gadgets, d'objets, tandis que les nerds sont plus intéressés par les idées. Les geeks sont des fans par nature et les fans collectent des objets. Les nerds sont des praticiens et les praticiens jouent avec des idées. » Ah, on nous dit, bien sûr, ce constat n'est pas catégorique. Et les geeks peuvent jouer avec les idées comme les nerds peuvent s'intéresser aux objets. De plus, les geeks et nerds ne correspondent pas à deux types de personnalités bien distinctes, mais plus à des aspects qui peuvent être rassemblés dans une seule et même personne. Autre différence de taille, les geeks semblent en moyenne plus attirés par les marques comme Apple, tandis que les nerds sont pour la plupart très à cheval sur les technologies de pointe, parmi lesquelles on va aller plutôt vers le système d'exploitation Linux. Côté passe-temps, le geek privilégiera son goût prononcé pour les gadgets et l'univers de la culture japonaise. À l'inverse, un nerd qui est plus studieux, ça donnera de préférence aux échecs ou à une grille de sudoku ou à du code de site Internet ou à du code de programmation, je pense. Tandis que le geek va essayer d'être plus hipster, plus musical, essayer d'être le seul à avoir la dernière bébelle, en tout cas être le meilleur avec. C'est bien intéressant. Et là, comme on sait maintenant un peu plus qu'est la différence de geek et nerds, eh bien, on va aller voir des expressions françaises qui ont été geekisées, on pourrait dire. Donc, au lieu de dire tomber dans les pommes, on pourrait dire tomber dans les Apple Store, hein? Et là, il y a des affiches en plus qui vont avec ça. C'est bien intéressant. Loin de Facebook, loin du cœur. Hein? Des fois, on disait loin des yeux, loin du cœur. Bon, c'est vraiment inutile et gentil là, quand même. On nous dit Photoshop ne fait pas le moine ou l'habit ne fait pas le moine. C'est Photoshop ne fait pas le moine. Ça marche bien. Ne pas mettre toutes ses données dans le même disque dur. Hein? Ne pas mettre ses œufs dans le même panier. C'est un peu ça qu'on veut rappeler. Sinon... Google ne s'est pas fait en un jour. Hein? C'est très drôle, ça. Sinon, ici, un autre. Il faut tourner 7 fois ses doigts sur le clavier avant de tweeter. Hein? Quand même, bien intéressantes, ces petites phrases. Ah, celle-là, je l'adore. Vieux comme MySpace. Hein? Hein, on le sait, c'est MySpace, il passe souvent. Tant va le serveur au dos qu'à la fin, il se casse. OK, ça, je ne connais, je comprends pas. Ah, celle-là, retweetera bien qui retweetera le dernier. Hein? Eh bien, oui. Sinon, ah, la nuit, tous les chats sont gris. Très, très bien. Les amis de Facebook, de mes amis Facebook, sont mes amis Facebook. Hein? Et les bitcoins, dans le fond, c'est l'argent là, virtuel. Les bitcoins ne font pas le bonheur. Et là, on a une petite pièce qui est triste comme ça. Et la meilleure défense, d'habitude, on dit la meilleure défense, c'est l'attaque. Là, c'est la meilleure défense, c'est la vaste. Hein, qui nous rappelle ce fameux antivirus. Et au lieu de dire se regarder le nombril, se regarder le Twitter. Et puis ça continue comme ça, bien intéressant, mais malgré le fait que c'est bien inutile. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cestfou.ca. Assemblage requis. Il va être venu le moment de dévaler la pente, un peu comme un voleur déroberait un magasin. Est-ce qu'on peut dérober une pente comme d'en partir avec puis l'amener quelque part? Ce serait plus le fun, comme ça j'aurais pas besoin de sortir dehors, je pourrais juste rester en dedans. Puis... Effectivement, ce serait super agréable. Skier, je vous reviens là-dessus dans deux semaines. Dans deux semaines. Voici la chronique truc et astuce du club plein air Écuteur. Qu'est-ce que je pourrais dévaler en automne comme en ce moment? Une pente de feuilles mortes. Ah, c'est là, avec, avec un bac de pommes dans les mains. Oui. Malgré moi. Ouais, pas tout à fait sûr de ça, de cette compote-là, mais on est heureux de te recevoir, Charles-Antoine Rioux. Celui qui nous compote des beaux textes, parce qu'il y a deux semaines, tu nous avais écrit un article pour que Jean-Philippe puisse le lire. Effectivement, je peux pas être présent. Ce qui veut dire que ça fait un mois qu'on t'a pas vu. Ça fait un mois et je me sens un peu stressé de parler en ondes. Ça doit, c'est la barbe, je pense, qui fait ça. Barbe très intense que tu as réussi à cultiver comme ça. Merci, merci. Je l'avais poussé, je fais la jachère et ça aide beaucoup. Hein. Oui, c'est la barbe des séries d'examen. Jachère, c'est faucher des affaires, c'est quoi ça? C'est laisser reposer certains un lot de terre. Un lot de terre pour tous les autres, puis on fait une rotation comme ça. Fait que là, en ce moment, la rotation, elle, c'est pas sur ma face, comme tu peux voir. Et est-ce que je peux commenter plein de choses? J'ai plein de commentaires à te faire. Absolument, absolument. Est-ce que c'est nouveau, les branches de bois comme lunettes? Non, en fait, sauf les gens remarqués. Non, c'est que j'avais remarqué la dernière fois que t'es venu en Il y a deux ans, je guidais une expédition de 20 jours sur la rivière Coulonge en Outaouais, puis le soir, autour du feu, je me suis assis sur mes lunettes, je les ai cassés. Oh non. Et là, j'étais comme, ce sont pas très forts. Le soir, c'est le fun de les avoir, c'est plus facile, j'ai même mal à la tête et tout. Et puis, j'ai donc gossé deux bouts de bois qui sont en fait de l'ostrie. C'est un bout très, très dur qui pousse, c'est celui-là, je suis de l'Outaouais, okay. Que j'ai collé avec de la potée à canon, du Mighty Potty. Wow! On est en réparation. Et c'est une réparation très provisoire d'expédition qui, finalement, a toffé deux ans et toffe encore. Et toffe encore. Et c'est beau, on dirait vraiment une paire de lunettes qui a été faite pour ça. Oui, je me suis un peu appliqué pour la sculpture, effectivement. J'ai quand même beaucoup de plaisir à le faire. Mais ouais, c'est très confortable. C'est ciré sur les côtés ou quoi? Non, des écharpes des oreilles. C'est juste l'usure. Ah, okay. Parce que je suis pas sûr des écharpes des oreilles. Donc, okay. Des lunettes faites du bois. Faites du bois. Oui. C'est après Claude Dubois, ces lunettes. C'est lunettes du bois. Ça sert. Donc, de quoi on parle aujourd'hui dans la chronique? Quel truc à aujourd'hui, en fait, je me suis un peu gâté. Hein, je suppose que même nos auditeurs sont en mi-session en ce moment. Ouais. C'est un moment un peu assez stressant. Des fois, il faut savoir se laisser se défouler un peu. Et donc, c'est ma première chronique de chiolage depuis que je suis une chronique avec vous, en fait. Ça fait maintenant quelques temps, puis que je travaille dans des magasins de plein air. Je travaille un peu ici et là, à différents endroits. Puis j'étais capitaliste. Je sais. Je me sens mal. Mais j'ai recommencé récemment à travailler justement ici à Trois-Rivières pour avoir un peu plus d'argent. Et puis, j'ai réalisé une chose qui me faisait vraiment suer, que j'avais déjà réalisé là, mais j'avais pas oublié parce que je travaillais plus dans le domaine. Et puis, il y a des gens qui sont prêts à acheter n'importe quoi. Ou il y a des vendeurs qui ont... À commission, mettons. À commission, ou même ceux qui sont pas. Moi, je travaille, on n'est pas à commission, et pourtant, il y en a qui le font pareil. Je n'aimerais pas ce que je travaille. Non, c'est ça. Qui vont vendre n'importe quoi, n'importe qui, juste parce qu'ils sentent qu'ils peuvent créer un besoin. Ouais. Et j'ai donc décidé de faire une chronique du top 10 de l'équipement le plus inutile en plein air au Québec. Génial. C'est génial. J'aime ça. Donc, on va commencer tout de suite, si vous voulez bien. Le numéro 10, on considère du 10 pour monter jusqu'au 1. C'est comme un décompte, c'est un décompte. Okay. Décompte de l'équipement le plus inutile et stupide à acheter. En tout cas, si un vendeur essaie de vous vendre ça, faites-y que votre honneur. En plein air au Québec. Numéro 10, du chasse-moustique. Ah, okay. C'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Ce qui va attirer les moustiques, c'est le fait de 1, c'est le CO2. Donc, à force d'être essoufflé, ça va en attirer plus. Mais à force d'essayer de les taper, puis de vous essouffler, essayer de les tuer, il veut juste n'arriver plus. Parce que ça produit plus de CO2 exactement. De ton corps. Exactement. Okay. Et puis, les autres, ils vont aussi vous trouver avec la chaleur. Fait que plus vous énervez, plus vous dégagez de chaleur, plus ils vous retrouvent. Si vous voulez vraiment les éloigner, essayez donc de rester calme. Puis les moustiques, en fait, c'est pas le problème, c'est pas le fait qu'il y en ait, c'est le fait qu'ils vous dérangent. Ouais. Ce qui se passe dans votre tête. Ouais. C'est psychologique. Dans le fond, c'est ça. S'ils sont pas sur vous, ils peuvent continuer de vivre autour de vous, puis ils devraient pas vous déranger. Ils vont peut-être nous voir un peu, mais c'est normal. Okay. Ça se passe de même. Fait que les petits clips, mettons, qu'on attache après la taille, de faire non, c'est n'importe quoi. Citronnelle, non. Okay. Puis anti-moustique, c'est plein de DEET, c'est l'agent actif principal dans le chasse-moustique qu'on va vendre. Et c'est la seule raison pour laquelle ça fonctionne, c'est que c'est tellement puissant que quand les moustiques se posent sur vous, ça fait fondre leurs pattes. Oh. Et c'est aussi une substance chimique qui est soluble dans votre sang par la peau. Donc c'est très mauvais pour votre corps. Donc l'anti-moustique, ça sert absolument à rien, c'est pas bon pour vous. Aïe, aïe. C'est tout, ça fait fondre les pattes. Moi, je capote. C'est comme un film genre de James Bond de moustiques. Numéro 9 du décompte, le coton. S'il y a un vendeur qui essaie de vendre un gilet parce qu'il est beau, puis il se vend dans un magasin de plein air, mais il est en coton, c'est parce que, un, A, il connaît pas son affaire, ou B, il vous prend vraiment pour un cave. Parce que c'est le pire matériel au monde à voir okay. en plein air. Ça respire pas. Ça respire très bien, mais okay. c'est que, ça, c'est point de vue gestion de l'humidité, ça vient mouiller très vite et ça sèche très lentement comparé à d'autres matériaux, puis ça concentre pas votre chaleur. Dès qu'on est mouillé un peu, on perd toute notre chaleur. Donc, du coton, des bas surtout, c'est vraiment pas une bonne idée. Okay. Fait que le coton, c'est à proscrire, s'il vous plaît. Numéro 8, les grosses boîtes de poudre de Gatorade ou autres électrolytes qu'on peut acheter, mettons, en vrac. Là. Ils vont vendre ça en vous disant « Ah, quand on fait du sport, c'est bon de récupérer ces électrolytes pour bien hydrater. » Un, si tu manges bien, si tu manges assez de fruits et d'électrolytes, tu vas les avoir. Mm-hmm. Au lieu de payer 30$ ta grosse boîte de Gatorade plus, là, un petit truc comme ça que vous pouvez faire à la maison, là, prenez votre bouteille d'eau. Mettez un quart de jus d'orange, trois quarts d'eau, ça va goûter un peu l'orange, un peu comme du Gatorade si on veut. Mettez une petite pincée de sel, une petite pincée de sucre, puis toutes vos électrolytes sont là. Hein? Tout est là. Vous mangez une banane le matin. Ça coûte rien. Ça coûte absolument rien. Mm-hmm. Fait que, sérieusement. Ça, à ça, ils vont vendre des gélules. Là. Oui. C'est, dans le fond, c'est des pilules d'électrolytes que tu vas prendre avant, pendant et après ton activité physique. Ça coûte les yeux de la tête, puis ça fait la même affaire que manger une banane le matin. C'est pas que ça marche pas, c'est juste que c'est pas nécessaire de l'acheter. C'est pas nécessaire, ça coûte trop cher pour rien. Parfait. Numéro 7, la folie du carbone. Ah, ces bâtons de marge-là sont vraiment bons, sont faits en carbone. Hey, s'il vous plaît. OK, oui, c'est super léger, je suis d'accord. Mais le carbone, puis oui, c'est très résistant, mais si tu dépasses un peu la limite de résistance, c'est hyper cassant. Ah. Ça coûte les yeux de la tête, puis sincèrement, pour ce qu'on fait ici au Québec, un bâton de marche en aluminium ou en carbone va coûter beaucoup moins cher en aluminium, il va faire la même job. Mais un vélo, mettons? Un vélo, ça, c'est une autre histoire. Je ne m'y connais pas assez, okay. mais je vous dirais que c'est pas nécessaire si non c'est plus. C'est cassant, c'est sûr que tu ne veux pas c'est acheter ça. C'est que c'est très résistant jusqu'au point okay. où de ça casser. Va casser, c'est ça. Fait, mais c'est le but de que ce soit plus léger pour aussi résistant. Vous n'avez pas besoin que ce soit si léger que ça. Vous ne partez pas pendant deux mois en Patagonie. Là. Ça, vous partez un après-midi à Valise-Brosnard. Come on. sinon, le bon vieux bout de bois que tu retrouves à terre, ça, c'est le fun. Tes lunettes, pas tes lunettes, tu marches. That's it. <C'est>, en tout cas. Numéro 6. Une chaise portative. Ah. Ou, communément appelé un ass groove, qui en fait juste une petite. Ça peut être une chaise avec des pattes qu'on déplie, oui. qui rentre dans ton sac, ou juste un petit. Un peu comme un matelas gonflable, un petit carré gonflable pour t'asseoir dessus, pour t'isoler du froid du sol. Tu peux te trouver une bûche, là. Ouais. On le dit, c'est une bûche. Assieds-toi sur ton sac, des petits matelas de sol, je sais pas, soit imaginatif, mais s'il vous plaît. Moi, ça me verrait le monde avec ta petite chaise pliable. Ça par terre. T'as les bâtons en carbone pour que ce soit super léger, mets de char une chaise. C'est ça. Puis branche la PlayStation, puis oui. ça, puis comment? J'y allais là-dessus. Ouais, j'y allais. Machine à café. Ouais, la machine à café. Petite appel. Petit appel. Le numéro 5, la mode du ultra light, du ultra léger. Ça, c'est un argument que les vendeurs de magasins de plein air vont vraiment essayer d'exploiter chez vous. C'est ah, mais ça, c'est plus cher, mais c'est ultra light, tu sais. Ça fait que dans ton sac, de 80, mettons ton sac de 35 litres, un sac de rendez-vous d'une journée. Ouais. Si tu as tout ton sac d'ultralight, tu vas avoir plus de choses pour le même poids. Fait que là, tu développes des besoins, t'as une petite yoga. Tant qu'à faire, t'en rachètes une plus, t'en rachètes une autre de plus, t'en rachètes une autre de plus. En plein ça. C'est tout mince. Puis un, ça coûte plus cher parce que tu fais des composantes ultra légers. Ultra light veut aussi dire ultra cassable. On s'entend, c'est vraiment pas solide, c'est pas durable. Si vous étiez un alpiniste qui allait monter des sommets comme le K2 ou le Everest, vous avez absolument besoin de tout l'équipement que vous avez dans votre sac, fine. L'ultra light, je comprends, c'était bâti pour ça à la base. Mais pour le plein air, même moi qui je me considère faire un plein air quand même assez semi-extrême, j'ai pas besoin d'ultra light parce que quand on fait ce plein air, on veut un peu sortir de notre zone de confort. On veut pas avoir le petit gadget qui va répondre à chaque besoin. Mm-hmm. Fait que la mode du trail va un peu comme amener ça, faire que je porte les gadgets, je peux rester dans ma petite zone de confort, je peux pas me pousser, je peux pas me tester, puis ça vient, on perd un peu l'esprit de la chose. Fais cuire ton bacon directement sur le feu, amène pas ton petit bacon wave que tu vas mettre dans le micro-ondes c'est là-bas. Vrai. Les gadgets, là, c'est trop, non? C'est un petit peu too much. Un petit peu trop. Hein. Et moi, je trouve que ultralight, ça va être le prochain frais. Ça, c'est chill, c'est frais, c'est nice, c'est sweet, c'est ultralight. C'est ultralight. OK, on parle à mode maintenant. Ouais. Yes. Numéro 4. La cloche à ours. Vous avez vu ça? Hein? Non. Un gros grelot qui vend. Il y a toujours ça à la caisse. OK. Toujours les gogosses que tu peux gosser avec. Ah, c'est cool, on va l'acheter. Un gros grelot qui dit, mets ça sur votre sac ou sur votre bras. Puis, Il y a personne qui cloche à ours. Supposé faire du bruit quand tu marches, gueuling, gueuling, gueuling. Ok, gueuling, comme une vache. Oui, après ça, pour éloigner les ours. De un, c'est-tu pas assez fatigant de marcher avec quelqu'un qui a une cloche à ours sur sa cadeau? Puis de deux, pour l'avoir testé, une cloche à ours, ça marche pas. En gros, ce que ça fait, ça annonce à l'ours son sac qui s'en vient. Ouais. Parce que c'est un son qu'ils sont pas habitués d'entendre. Pour avoir fait de l'inventaire dans le coin de Chibougamau quand j'étais au cégep, on faisait l'inventaire de la faune, on prenait toujours une cloche à ours sur notre bras. Sur notre coude. C'est un peu comme ça qu'on fonctionnait pour l'équipement là-bas. Puis là, je vois un ours qui passe. Donc, tu sais, check le coude, gueuling, gueuling, gueuling. Tout ce que ça fait, c'est que l'ours me regarde, puis qu'on sent me regarder. Qu'est-ce qu'il fait, man? C'est quoi ça? T'sais? C'est pas un son que c'est habitué d'entendre. C'est pas un son qui va les éloigner pour autant. Ça peut limite piquer leur curiosité. Ouais. Si vous voulez vraiment parler des ours, parlez. Faites du bruit, chantez, cassez les branches en marchant, puis vous allez voir, ils ont beaucoup plus peur de vous que vous avez peur d'eux autres. Oh. Allez pas acheter quelque chose à 5$ à la caisse, ça sert à rien. C'est comme. En tout cas, si vous avez déjà tenté l'expérience, vous me comprenez, sinon je vous le souhaite pas parce que c'est vraiment pas agréable de marcher avec quelqu'un. Puis pendant 3 heures de randonnée, tu vas marcher gling, c'est comme, comme une meute de chats qui te suit. T'as comme toujours l'impression qu'un petit gars avec un bicycle avec un chariot qui prend des particules c'est partout. Oui. Le numéro 3, la machette. Ben voyons, la machette, ça a le fun de machette. Machette-tu. On s'entend qu'on parle pour ici au Québec, en Amérique du Nord. Là. Okay. Une machette, en Amérique du Sud ou en Amérique centrale, c'est l'outil qui est vraiment de prédilection parce que c'est adapté à ce milieu-là. Mais ils vont quand même vendre des machettes ici, ça sert strictement à rien. Avec les arbres qu'on a, vous réussirez pas, ou si vous réussissez, vous allez Vous atrophiez. Essayez d'abattre un arbre avec une machette. Essayez pas de fendre une bûche avec une machette parce que ça va être long un petit peu. Si vous voulez faire du travail de minutieux, c'est trop gros. Puis il n'y a pas de liane au Québec. Non, malheureusement, c'est cool, les lianes. Je veux bien que quand c'est vraiment une grosse végétation fournie, touffue, puis on veut passer au travers, il faut chopper la machette, mais on n'a pas ça ici. Puis si on l'a, ça va vraiment être dans des petites sections, mais on va pouvoir les contourner. Fait que la machette, ça sert absolument à rien. C'est pas ça. On n'a pas de liane. On a des lilianes, par contre. Oui. Fait que si jamais vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Liliane, machette-moi ça. numéro 2, donne des comptes top 10. Un poêle qui charge votre ordinateur et votre iPod. Come on! C'est un poêle, encore on met du bois, puis un élément qui capte l'énergie, puis il y a vraiment une plug ordinateur et iPod. Génial. Ça, c'est pour moi. Ça parle. Ça me convainc dans l'enquête. Ça parle en soi. Puis c'est tellement gros et pesant qu'il faut que tu transportes dans ta voiture. Mais ça existe une prise dans ta voiture. Ouais, oui, c'est ça. En tout cas, je dis ça comme ça. Et le numéro 1. De ce top 10, la chose qui me sacre le plus à terre, je pense, quand je vois des gens acheter ça, je vois de mes collègues qui recommandent ça aux gens, un évier portatif. Si tu pars en camping, t'as un chaudron pour faire ta nourriture. Oui. Pourquoi se prendre ton chaudron comme évier? Pour vrai. Pourquoi avoir à chercher de l'eau, chauffer l'eau dans ton chaudron, laver dans l'évier pour là laver ton chaudron? À moins que tu tires de ton évier comme chaudron. C'est parce que c'est en plastique. Ah, hein? C'est en plastique. C'est une espèce de cuve en nylon avec une membrane imperméable dans laquelle on peut mettre de l'eau pour laver les choses. Donc, il est pliable. Ça vient gros, je voudrais qu'il y ait un portefeuille. OK. C'est un évier portatif. Ah. Y a-tu eau chaude, eau froide, puis tout? Y a-tu l'extension bidet portatif? Donc voilà, c'était ma chronique chialage des choses. Sérieusement, s'il y a des gens, si vous magasinez dans un magasin de plein air, puis il y a des gens qui essaient de vous vendre ça, c'est à moins d'avoir une bonne raison, s'il vous plaît, changez de vendeur. Ouais. C'est génial comme chronique. Merci beaucoup. Merci à vous, messieurs. On se retrouve mardi prochain, c'est à 8h. Effectivement. Dans deux semaines. Après cette semaine de travaux d'études. Voilà. Wow, oui. C'est vrai, parce que c'est la semaine prochaine. Effectivement. L'autre semaine d'après. Mm-hmm. On s'en va entendre une pièce du palmarès anglophone. C'est The Dreams in the Ditch. Ditch, c'est quoi déjà un ditch? C'est-tu un fossé? Un fossé, je pense. Un fossé. Donc, Dreams in the Ditch de Dirt Tick au 89 FM. C'est fou. Ça va commencer là. Puis après ça, restez là parce qu'Anne-Julie Durocher va être avec nous pour sa chronique. L'index. OK. OK. OK. They pull. is it. But it's not the way you can afford your time or the envy of the friends you left behind. So whenever you go, they can have everything you lose. This is it. Écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. On n'est jamais surpris des pouvoirs de cette belle plante, la mère des plantes, le cannabis qui pourrait guérir le cancer. Eh bien oui, en plus de, du reste, en plus de ses vertus anti-inflammatoires, ses vertus qui redonnent l'appétit aux gens qui n'ont plus faim, qui relaxent ceux qui sont trop stressés, il y a tellement de vertus au cannabis, hein, on comprend toujours pas que dans un monde où on est supposé être dirigé par des gens intelligents, que ce soit encore illégal et illicite de posséder une plante. Moi, ça ne rentre pas dans ma tête. Mais bon, changeons de sujet. On parle maintenant du cancer qui fait partie des pestes modernes et ces gens-là qui dirigent le monde, ils vont y goûter aussi au cancer parce que le cancer ne fait pas de discrimination. Et les scientifiques se battent contre ce fléau. La lutte contre le cancer a amené des avancements importants, mais on est loin de son éradication. Pour certains, le cancer est toujours une condamnation à mort. Et voici une nouvelle intéressante. Selon une nouvelle étude, les parties non hallucinogènes du cannabis pourraient devenir des médicaments anti-cancer très efficaces. C'est le docteur Wai Liu qui a déclaré, et je le cite, « Cette étude est une étape vitale pour découvrir les mystères du cannabis comme source de remède. Les cannabinoïdes examinés ont un minimum, voire aucun effet secondaire hallucinogène et leurs propriétés d'agents anti-cancer sont très prometteuses. Ces agents peuvent interférer dans le développement des cellules cancéreuses en les arrêtant sur leur route ou en les empêchant de grossir. Dans certains cas, eh bien, on utilise des modèles de dosage spécifiques et ils peuvent détruire même les cellules cancéreuses. Évidemment, il y a encore du pain sur la planche dans ce domaine avant qu'une telle déclaration soit prouvée. Alors soyons patients et ne crions pas victoire trop tôt. Mais voyons quand même l'espoir au bout du tunnel. Hein? Belle nouvelle. Très, très belle nouvelle. Ici, tiens, on va se faire un petit top 10. Ouais, j'ai le goût d'aller là. Non, on va parler de ça avant. T'sais, j'ai le goût, le top 10, il me tente depuis tantôt. Ben oui, c'est le top 10 des records du monde par rapport, ben, qui sont liés au sexe. Je le sais, ça vous tente tout de le savoir. Mais restez là, vous allez le savoir. Donc, on va parler d'un autre record du monde. On parle d'un régalec qui est le plus grand poisson osseux du monde qui vient d'être découvert en Californie. Un peu plus de 5,4 mètres de longueur. C'est une gigantesque régalec ou ruban de mer pratiquement intact qui a été trouvé dans les eaux de l'île de Santa Catalina près de Los Angeles. Donc, cela aurait pu être une journée tout à fait normale en plongeant près des côtes californiennes ce dimanche 13 octobre. Mais Jasmine Santana, spécialiste et professeure de sciences marines, n'aurait jamais pensé se retrouver face à face avec un poisson sorti tout droit des légendes. Pourtant, elle est bien tombée nez à nez avec la carcasse argentée d'un régalec, également appelé un ruban de mer, qui était d'une longueur extraordinaire, donc plus de 5 mètres. Pour prouver sa découverte à ses collègues de l'Institut marin de l'île de Santa Catalina, elle a même été obligée de remorquer elle-même l'animal qui était mort sur plus de 20 mètres. D'autres membres de l'Institut ont ensuite été appelés en renfort afin d'admirer l'animal surnommé le roi des harengs, mais surtout pour être capable de sortir de l'eau. Ah, ben c'est toute une bête, là, 5,4 mètres. Donc, je la cite, « Nous n'avons jamais vu de poisson aussi grand et le dernier ruban de mer que nous avons observé mesurait à peu près 90 cm. » S'enthousiasme Mark Waddington, capitaine du Tall Moor, bateau d'instruction de l'Institut marin. Évoluant à environ 9 mètres de profondeur, Jasmine Santana a repéré un éclat argenté devant elle alors qu'elle effectuait une sortie dans la baie de Toyon, à une quarantaine de kilomètres des côtes de la Californie du Sud. Elle plongeait tranquillement lorsqu'elle a aperçu cet énorme poisson au fond de l'océan. Elle s'est approchée, l'a attrapé par la queue et l'a remorqué jusqu'à la plage. C'était incroyable, ajoute toujours Mark Waddington à KTLA. d'un poste, d'une poste de télévision dans ce coin-là. Personne ne voulait me croire, a renchéri la spécialiste en sciences marines, et il a fallu le concours de 16 personnes pour réussir à hisser le régalec sur la plage. En effet, les rubans de mer Regalecus glesnés, pour les scientifiques, vivent à plus de 900 mètres de fond, au fond de l'océan. Par conséquent, leur observation est très délicate et très rare, ce qui explique pourquoi ces poissons sont si peu connus. C'est, bon, on explique ça, le poisson pélagien, le régalec peut mesurer plus de 15 mètres au maximum et peser jusqu'à 270 kilos, ce qui fait de lui le poisson osseux le plus long du monde. Probablement responsable des légendes sur les gigantesques serpents de mer, ce n'est pourtant pas le premier ruban de mer à être découvert et surtout pas le plus long. Il a été observé pour la première fois en 1772 par le biologiste norvégien Peter Ascanius. Et jusqu'à aujourd'hui, le spécimen le plus long trouvé mesurait 8 mètres. En 96, un groupe des Navy Seals a repêché un ruban de mer long de 7 mètres près de San Diego. Au vu des premières analyses, ce gigantesque ruban de mer est mort de cause naturelle et des échantillons de tissu, ainsi que de nombreuses vidéos ont d'ores et déjà été envoyées à des biologistes de l'Université de Californie, plus précisément de Santa Barbara, afin d'être plus amplement étudié. Donc, en attendant, mardi dernier, de nombreux élèves de l'Institut marin de l'île de Santa Catalina ont eu l'opportunité de venir observer ce ruban de mer. Actuellement, la carcasse est conservée dans la glace en attendant la décision sur sa destination. Eh bien, je les cite, « Je suis assez... » pour l'enterrer et attendre que la nature fasse son œuvre. Ainsi, nous pourrions récupérer le squelette, l'articuler et l'exposer pour l'étudier, avance Mark Waddington, qui dirige l'Institut marin. Vraiment une belle nouvelle. Très intéressante. Ici, côté technologique, on n'en a pas fait beaucoup aujourd'hui. Eh bien, c'est la marque low cost d'Orange, le Sosh, S-O-S-H, donc qui lancerait un mobile à 69 €, donc à moins de 100 $. Un mobile à son effigie, Sosh, la marque de téléphone low cost d'Orange, lance ce jeudi un mobile à son effigie. Pas de petit nom, l'opérateur parlant simplement de mobile Sosh sous Android 4.2. Celui-ci possède entre autres les particularités d'un écran 4,3 pouces. Contre 4 pouces pour un iPhone 5, là, juste pour vous dire. Donc, c'est plus grand qu'un iPhone, avec un fond d'écran aux couleurs de la marque, le jaune et le bleu. Le jaune vont faire fureur dans les poches. Ben oui, c'est sûr. Le mobile Sosh embarque également des applications mobiles MySosh, suivies de consommation comme le Social TV. Selon les informations, l'appareil est fabriqué par Alcatel et reste à un prix alléchant de moins de 69 €. Donc, il est disponible sur Sosh.fr. Pour en profiter, il faut être client de Sosh, soit s'engager sur un forfait de la marque pour au moins 2 mois. Et là, nanana. Mais là, ça, c'est trop, trop technique et trop français. Donc, on n'a pas le droit d'y toucher à ce petit téléphone. Un petit peu triste, hein? Aïe. Tiens, on va se faire cela, puis après, on s'en va dans notre top 10 des records du monde sur le sexe des plus insolites. On parle ici... du top 10 des punitions à l'ancienne qui sont plus très tendance désormais. En premier temps, eh bien, c'est la fessée. Hein. Il fut un temps où une bonne fessée n'était pas pointée du doigt comme un acte pervers ni violent. Ce give me five à l'ancienne rappelait aux chérubins récalcitrants les principes de la loi darwinienne qui veut que l'on respecte un minimum l'autorité de ceux des plus costauds que soi. Hein? Une simple question de survie et de bon sens. Ben, la fessée, moi, je trouve qu'elle a encore sa place, mais ça tout dépend comment on la fait. Hein? Ici, celle-là, non. Hein? À genoux sur des casse-noisettes, à genoux sur des noisettes ou sur une règle carrée. Donc, une expression qui aurait pu trouver son origine dans cette punition que les moins de 60 ans ne peuvent connaître. Tenir à genoux sur des noisettes, une posture écologique qui permet de ramener sur ou à terre le jeune délinquant. En cas de pénurie de noisettes, celle-ci peut être remplacée par une règle carrée sur les genoux. Oui, OK. La patte mouillée, hein, version textile de la fessée, la patte mouille. Donc, c'est la serviette trempe, si vous aimez mieux. Un linge mouillé, un peu de dextérité, deux hémisphères charnels soumis et la correction lavait la faute sans laisser de traces. Donc, hein, une bonne vieille serviette mouillée. Le cabinet noir fait partie de ces cabinets de curiosité de l'époque où la punition marquait les esprits et parfois aussi les corps. Comme son nom l'indique, il suffisait d'un espace clos, de préférence très obscur, pour mettre à l'ombre pendant quelques heures les enfants rebelles au risque de créer une génération de claustrophobes. Tout à fait, on le sait, ben c'est ça, c'était aller dans le garde-robe finalement, va dans le garde-robe. C'était peut-être ça le buzz, de sortir du garde-robe. Mais bon, on avait le temps de réfléchir. Sinon, les pichenottes puis les tirages d'oreilles. Les enfants sont formidables, mais ont depuis toujours la fâcheuse habitude de devenir sourds à chaque rappel à l'ordre de leur géniteur. Pour régler ces problèmes d'audition, eh bien, les redresseurs de tort autoproclamés de l'éducation nationale ont inventé le tirage d'oreilles, voire la pichenotte qui claque. Sans doute les ancêtres des ORL, hein? Autorhino-laryngologiste, pour ceux qui ne le savent pas, le ORL. Sinon, le coup de verge, hein? La discipline pédagogique a également vu le coup de verge remettre ses troupeaux de brebis égarés dans le droit de chemin. Mais ce, bien avant les amis de Rocco qui viennent travestir le sens de ce premier châtiment. Tout à fait. Sinon, le martinet, qui est un fouet, étant depuis longtemps passé de mode, les parents désarmés trouvèrent dans le martinet la parfaite alternative. Doté de plusieurs lanières de cuir, cet objet de culotte a tenté un paquet au nom de la morale, évidemment, avec des couleurs, c'est plus gay. Donc, c'est un fouet à plusieurs tiges. La gifle, hein? Également appelée en France la torgnole. La gifle comme la fessée sont aujourd'hui considérées comme des actes de maltraitance envers les enfants. Soit pourtant, elle a marqué de son empreinte dans la gueule des générations d'apprentis délinquants et provoqué quelques torticolis bien mérités. Sinon, le coco. OK? Le point fermé vient de toquer au sol. OK? Le point fermé vient de toquer au sommet du crâne du chérubin, sans doute pour vérifier la tonalité de sa cavité cérébrale. Douloureux, gentiment. Gentiment humiliant, mais surtout garanti sans aucune trace. OK? Non, ça fait mal. Sinon, ben, ça continue comme ça. C'est des punitions qu'on n'emploie plus vraiment. Moi, à part la fessée, presque tout le monde que je connais a déjà donné une tape ses fesses à leurs enfants. Et c'est bien comme ça, je pense. L'idée de pas s'acharner sur l'enfant et de pas être en maudit quand on le fait, de replacer un peu les esprits. Là. Je pense que ça peut être pas si mal que ça. Pour ceux qui m'entendent, qui sont outrés, ben c'est votre problème. Ça me dérange pas partout. Je vis très bien avec ça. Vous irez parler à mon garçon. Il y a eu quelques petites fessées sur les foufounes quand il était jeune. Et puis, ben, je pense pas qu'il s'en sort si mal que ça. Sinon, eh bien, on va aller en musique tout de suite. Non, on va passer notre top 10 des records du monde sur le sexe et des plus insolites. Cette fois-ci, on y va avec le plus imposant pénis du monde. Et c'est la propriété de Jonah Falcon, 34 cm de long. C'est l'engin qui est le plus long qu'une bouteille de vin et à peu près aussi large. Quand même, on peut l'appeler monsieur. Hein? Sinon, le plus long jet de sperme qui a jamais été calculé, hein, parce qu'on ne sait jamais, peut-être que vous faites mieux dans votre salon. Horst Schultz, qui a une passion, expédie sa semence à l'autre bout de son appartement. Son record a été homologué. Une quantité substantielle de liquide séminal doit être enregistrée avec un jet de 6 mètres, soit la longueur d'un camping-car, hein, d'un Winnebago, à peu près. Sinon, la plus grosse poitrine naturelle du monde est détenue par Norma Stiltz ou Aquin Turner à la ville et n'aura pas à s'inquiéter des histoires de prothèses PIP. Mais l'Américaine a certainement d'autres soucis, ceux d'une femme devant composer au quotidien avec un tour de poitrine de 178 cm. Hein? Presque 2 mètres de tour de poitrine. Un handicap peut-être pour le volleyball. Je sais pas, je dis ça de même. Pour plusieurs sports, je pense. Sinon, la plus grosse orgie du monde, 500 personnes. Elle s'est déroulée au Japon. 250 femmes, 250 hommes. Ils se sont livrés à des ébats cochons au même moment dans un entrepôt sous l'œil d'une caméra. Et la performance est disponible en DVD pour les amateurs de sport d'équipe. Vous irez voir. Mais ça, gangbang et orgie, c'est pas loin. Là. Le plus gros gangbang de l'histoire, c'est Lisa Spark, une actrice de porno américaine qui a satisfait, tenez-vous bien, 919 partenaires au cours d'une même journée. Comment qu'on peut y arriver? Je ne le sais pas. À l'occasion du 3e championnat du monde de gangbang en Pologne, comme quoi la Pologne s'est organisée des événements internationaux. L'Euro de foot devait bien se passer et on ignore si la jeune fille a été 910 fois invitée au restaurant. Et je pense pas qu'elle a... en tout cas, 910 fois, elle a satisfait 910 hommes. Et toute une journée. Sinon, la prostituée la plus âgée du monde a quel âge?

quand même. Je cherchais mon yeast en même temps que je parlais. Alors, c'était quoi en français? Attention, ça s'en vient. Je pensais... Levure? Non, sûrement pas. Candidose? Non, sûrement pas non plus. Je sais pas. Bizarre. Étrange. Étrange. Et puis, finalement, tiens, est-ce que tu sais ce que c'est? Stangblaz. OK, ça, c'est quand t'as un petit kiosque. Stand. Oui. Gblaz? De petits cups pour récupérer le sperme. Ah, cool. Non, c'est en Allemagne. C'est une fille qui est assez petite pour pouvoir faire une... fellation à un homme sans avoir à changer de position. C'est ce que je disais. C'est Stangblaz. Stangblaz. En Allemagne. Petite cup. Oui. En français, ce serait Standing Blower. Ah, OK. Oui. En français, je vous laisse comprendre par vous-même. En français, ce serait la mangeuse d'hommes. Oui. Debout. Oui. Voilà. Voilà pour Kinky Sexy Time. Ouais. Pas sûr. J'ai chaud. Moi aussi, c'était gênant un peu comme chronique, comme toujours. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. Eh bien oui, un kangourou s'est retrouvé dans le terminal de l'aéroport de Melbourne. Il y a des gens qui diraient, ben oui, mais c'est normal. Mais bon, c'est sûr que ça serait plus bizarre si c'était à l'aéroport Pierre-Elliott Trudeau. Hein? Ça, c'est officiel. Mais quand même, un kangourou dans un aéroport. Hein? C'est la police australienne qui a dû fermer donc une partie du terminal de l'aéroport. D'instant, oui, comme ça, excusez. Une partie de l'aéroport. Désolé, c'était un petit changement d'horaire là, qui est arrivé. Donc, oui. Je me reviens à ma nouvelle. Donc, qui a dû fermer partie du terminal de l'aéroport de Melbourne, donc mercredi, pour attraper un kangourou blessé qui était réfugié dans une pharmacie du bâtiment. Donc, il savait où se rendre à la pharmacie. Il est quand même assez intelligent. Les autorités de l'aéroport ont appelé donc des volontaires d'une association de protection de la nature pour calmer et attraper cet animal désorienté qui s'était retrouvé dans le terminal de l'aéroport après avoir été blessé par une voiture. Sirius, comme nous venons de le nommer, va être examiné par un vétérinaire après le traumatisme, qu'il vient de subir. Le terminal de l'aéroport de Melbourne est situé près d'un grand terrain fréquenté par des kangourous. Le tarmac est surveillé afin d'éviter que les animaux ne pénètrent sur les pistes, mais il arrive que certains arrivent à s'introduire dans le terminal. En janvier dernier, la police est intervenue pour capturer un de ces marsupiaux qui s'était perdu dans le parking de l'aéroport. Eh bien oui. Désolé pour le petit contretemps qu'il y a eu tantôt dans la 2 secondes. Sinon, ici, Banksy, qui est un artiste britannique connu dans le milieu de l'art pour ses tags exécutés en milieu urbain et ses graffitis satiriques, va vendre ses toiles $60 dans les rues de New York pour dénoncer le marché de l'art. Donc, un ovni, voici à quoi ressemble cet artiste uniquement connu sous le pseudonyme de Banksy. Après avoir dévoilé il y a une semaine une vidéo illustrant la mort de Dumbo, l'artiste de street art refait parler de lui en vendant ses œuvres à $60 pièce sur les trottoirs new-yorkais. Donc, une aubaine quand on sait que certaines de ces pièces atteignent des milliers de dollars aux ventes aux enchères. Dans ce genre de cas de figure, eh bien, on ne sait jamais si le coup de pub n'est pas très loin ou si, au contraire, le geste est dépourvu d'intérêt. Cette opération de vente de toiles originales en plein milieu de la rue de New York est... Et pourtant presque passé incognito alors que les PS de l'artiste s'arrachent à prix d'or. Certains passants ont pu acquérir pour $60 de ces toiles. Un homme originaire de Chicago a même fait une bonne affaire en achetant 3 pièces pour meubler son appartement, même s'il ne connaîtra peut-être jamais la valeur véritable de ses œuvres achetées sur le trottoir. Celui qui négociait sur le stand des œuvres était l'artiste lui-même, sous son nom anonyme. Peut-être ne connaissait-il pas plus l'origine de ces toiles. Donc, les pochoirs de Banksy sont le plus souvent des images humoristiques, voire même sarcastiques, qui se combinent avec des slogans. Ces installations adressent des messages anticapitalistes, anti-système et anti-militaristes. En septembre 2006, il avait placé une poupée gonflable géante à Disneyland en Californie et celle-ci était revêtue d'un uniforme orange comme ceux d'un camp de Guantanamo. Les montagnes russes avaient été arrêtées et le complice de Banksy interpellé. Toute la performance avait été filmée et ensuite publiée sur Internet. Son travail est souvent comparé à celui de Ernest Pignon Ernest, okay, l'un des initiateurs de l'art urbain en France. Belle nouvelle, et puis c'est bien que les artistes aient quelque chose à dire, mais c'est pas nécessaire non plus. Moi, je trouve pas que les artistes ont besoin de toujours prendre la parole en tant qu'avoir un message social ou quoi que ce soit. Je pense que l'art peut parler par lui-même sans avoir un message politique ou social. Mais ça, c'est ma vision des choses. On apprend que le dernier porte-avions britannique est à vendre. Donc, à vendre porte-avions, 32 ans, 210 mètres de long, 22 000 tonnes, prix à débattre. La marine britannique, victime de l'austérité budgétaire, est à la recherche d'un acquéreur pour l'Illustrious, dernier bâtiment de ce type encore en activité dans la Royal Navy. Selon un porte-parole du ministère de la Défense, le futur acheteur ne doit pas nécessairement être britannique, mais devra conserver toute ou une partie du navire en Grande-Bretagne pour des raisons de patrimoine national. Le ministère de la Défense attend désormais des offres venant de sociétés, d'organisations humanitaires ou de fonds spécialisés. L'Illustrious, qui a notamment servi à l'évacuation des ressortissants britanniques de Sierra Leone et transporté du matériel militaire lors de la guerre du Golfe, cessera d'être en service fin 2014. Donc, si ça vous intéresse de posséder un porte-avions, ben allez vous en acheter un. Il y en a un à vendre. Et ici, une nouvelle pas mal moins jojo, pas mal moins drôle. C'est au Zimbabwe, 100 éléphants ont été retrouvés, au moins 100 en tout cas, ont été retrouvés empoisonnés au cyanure. Assez triste nouvelle. Donc, au Zimbabwe, le cyanure est une technique de chasse qui se banalise pour tuer les éléphants. Cette semaine, au moins 100 éléphants ont été retrouvés morts, empoisonnés dans le plus grand parc national animalier du pays. C'est ce qu'ont annoncé les autorités de conservation de la vie sauvage mardi dernier. 10 carcasses d'éléphants ont été découvertes à Wangé. Avant hier, 2 suspects ont été arrêtés et 14 pièces d'ivoire saisies. C'est ce qu'a indiqué Caroline Washaya Moyo, une porte-parole de l'autorité gestionnaire des parcs nationaux, et de nombreux autres animaux ont aussi succombé à un empoisonnement. Ces dernières semaines, 12 personnes ont été arrêtées, dont 3 ont été condamnées le mois dernier à des peines d'au moins 15 ans de prison, assorties d'une lourde amende de 600 000 $. Environ 80 éléphants avaient été tués au cyanure fin septembre. Les autorités ont aussi donné un ultimatum aux habitants d'un village en bordure d'un parc accusé de détenir du cyanure. Les chefs coutumiers ont imploré le pardon des autorités. OK, non. Elles ont souligné que si des villageois s'étaient rendus complices de braconnage, c'était à cause de la pauvreté et non par cupidité. Le Zimbabwe est un pays très pauvre, dirigé de main de fer par le président Robert Mugabe, et le parc d'une étendue de plus de 14 000 km² est patrouillé par seulement une cinquantaine de rangers et aurait besoin de 10 fois plus de patrouilles. Le nombre d'éléphants est estimé à plus de 120 000 dans les parcs nationaux du pays. Et le trafic d'ivoire brasse chaque année environ 10 milliards de dollars, selon un expert dans la protection des animaux sauvages. Triste nouvelle, mais en même temps, c'est ça. Hein, on peut pas comprendre, mais ben oui, un peu plus comprendre ce qui arrive dans ces pays-là. C'est pas nécessairement, comme on dit, de cupidité, c'est seulement de vouloir survivre. Mais il y en a qui sont... tu sais, c'est pas ceux qui tuent l'éléphant qui font la grosse pièce, d'après moi. C'est celui qui est à la tête du trafic d'ivoire. Donc, en tout cas, hein, c'est un gros, gros dossier assez complexe. Ici, tiens, restons une dernière petite nouvelle dans le monde animalier. C'est aux Pays-Bas, la police dresse des rats pour résoudre des enquêtes. OK. Pour lutter contre la criminalité, Rotterdam va se donner une nouvelle unité de limiers d'élite composée exclusivement de rats. Derek, Magnum, Poirot. Hey, qu'est-ce qui se passe? OK, ça c'est l'Internet qui part. Donc, pour lutter contre Derek, Magnum, Poirot, Dupont et Dupont, les 5 noms des rongeurs actuellement en formation vont en effet être utilisés par la police scientifique de la ville afin d'élucider certaines affaires. Leur mission, détecter des traces de drogue ou de poudre grâce à leur aptitude olfactive surdéveloppée. C'est ce que relate l'hebdomadaire allemand le Der Spiegel, qui veut dire le miroir, hein, le mirror. Si la pratique est totalement inédite, ces renifleurs d'exception devrait permettre d'accélérer de nombreuses procédures, telles que la détection de résidus de tir. Quand une telle entreprise demande au moins 2 heures de travail aux techniciens, les rats peuvent le faire en 2 secondes, assure leur dresseur Monique Amerslag. Une rapidité principalement due au système olfactif du rat composé de 1600 récepteurs, quand celui d'un chien n'en compte que 900 et celui d'un homme à peine 600. Donc un rat, ça sent pas mal plus qu'un chien. En ce temps de gain de Et ce gain de temps peut s'avérer déterminant, sachant que la police néerlandaise ne peut retenir un suspect plus de 6 heures sans une accusation fondée. Autre avantage non négligeable de cette nouvelle unité de reconnaissance, eh bien, c'est son prix. Tandis qu'un chien de race peut coûter plusieurs milliers d'euros, celui d'un rat n'excède pas les 10 euros. Toutefois, les rongeurs ne sont pas aussi courageux que leur homologue canin et ne pourront pas être utilisés sur des lieux qui leur sont inconnus. Correct. Encore en formation, les 5 détectives en herbe ne devraient donc pas être mis en service avant 2014, bien que Derek tombe juste dans 98% des cas et que l'équipe affiche un taux de réussite de plus de 95% en moyenne. L'idée de cette nouvelle brigade vient de Monique Amerslag, qui l'a développée dans le cadre de sa thèse de fin d'études. Elle s'est principalement inspirée du travail d'une ONG utilisant des rats géants pour détecter les mines antipersonnelles en Tanzanie. Donc, c'est bien les rats qui nous aident, les rats. Ces rats, nos amis, on pourrait dire. Hein? On pourrait y aller comme ça. Sinon, on va se faire une petite nouvelle. On va aller en musique avec un segment des 1001 chansons à avoir entendues dans sa vie. Je pense qu'on est rendu là. Et aujourd'hui, eh bien, on va écouter une autre pièce de notre ami James Brown. La pièce que je vous propose, c'est « Say it loud, I'm black and I'm proud ». Donc, après l'assassinat en mars de 68 de Martin Luther King et la mort le mois suivant d'un membre des Black Panthers, Bobby Hutton, à Oakland, en Californie, à l'issue d'une fusillade avec les polices, les artistes noirs se sentaient de plus en plus investis d'une mission, celle de parler de leur communauté. On s'attendait donc à voir monter au créneau Mr. Dynamite, alias James Brown, mais il n'en a rien été. Dans un premier temps, tout au moins lors des primaires du Parti démocrate, il a soutenu le vice-président Hubert Humphrey et non pas le populaire opposant à la guerre qui était Robert Kennedy. Il a enregistré un single intitulé « America is my home » et exalté les vertus de sa terre natale, le meilleur pays qui soit. On dirait que c'est Jean Chrétien qui parle, hein? Le plus beau pays du monde. Et enfin, il est allé chanter au Vietnam pour les soldats américains, geste condamné par les mouvements pacifistes. Ce n'est qu'au mois d'août qu'il est redevenu crédible aux yeux des jeunes noirs avec un morceau très funk et fort. « Say it loud, I'm black and I'm proud. » Dites-le bien fort, je suis noir et j'en suis fier. De toute la puissance de sa voix, il proclame, « We'd rather die on our feet than be living on our knees. » Donc, on préfère mourir debout que de vivre à genoux. Cette chanson au relent politique a influencé le travail de Norman Whitfield avec les Temptations ou encore celui de Scott Aaron, comme tu veux. Le rythme percutant de la chanson et ses attaques verbales en font l'ancêtre du hip-hop. Eric B. et Rakim l'ont d'ailleurs samplé dans Move the Crowd en 87. Sur ce, dans le segment des 1001 chansons à avoir entendues dans sa vie, eh bien, on s'en va écouter « Say it loud, I'm black and I'm proud » de James Brown. Rien de moins. Vas-y, mon James.

Oui, c'est presque un combat sans fin, parce que même si certaines choses changent, il reste d'autres choses à régler quand même, puis il va se créer d'autres problèmes avec le temps, parce qu'il y a quand même des gens qui sont arriérés puis qui vont, vouloir vous faire reculer. Oui, mais en même temps, tant qu'on a peur du terme féministe aussi, ça n'avancera pas fort la cause. T'sais. Exact. Puis c'est plate, parce qu'il y a bien du monde autour de moi que quand tu regardes ça, puis ils sont féministes, puis tu sais, dans le fond, dans leurs valeurs, mais ils n'osent pas dire le mot, parce que le mot fait peur, tu sais. Fait que c'est ça, je voulais un petit peu démystifier ça, puis en rire un peu, puis mettre des mots là-dessus, là, puis dire là, c'est juste ça, tu sais, pourquoi vous avez peur de dire ça, tu sais, on sait que c'est pas mal relié aux stéréotypes des années 70, pour ça qu'on a peur, là, puis on se fait juger, tu sais, qu'on se le dise, mais c'est ça. On se fait toujours juger pour tout. Quand on s'informe un peu, des fois, on se rend compte que ça a bien de l'allure, ben moi, je trouve. Ouais. Donc, pour en savoir plus, on lit ton article dans Zone Campus aux deux semaines. Celui-là, il va être en kiosque jusqu'au 28 octobre. Et on peut le contacter via le blog zonecampus.ca. Oui, puis... Si tes articles sont là, mais on peut t'écrire. Oui, puis sur le blog, vous avez une version plus longue. Oui, et avec la grosse image. Oui, c'est ça. Fait que plus complet, mettons, puis ça gaspille moins de papier. Oui, mais là, regardez la belle caricature aussi, mais c'est sur ça. Internet aussi. Tout est beau partout. Prenez les deux. Tu sais, c'est gratuit. Ben, c'est ça. Oui, plus t'en as, mieux c'est, moi, je pense. Ah! Bon point. Donc, Lily Brunet-Saint-Pierre qu'on retrouve aux deux semaines, ici, les mercredis à 8h30. Oui! Voilà, et on te remercie beaucoup. Ben, ça me fait plaisir, merci. Bonne journée! Bye-bye! Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cifou.ca. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. On parle de plus de 22 000 $ et de 229 points d'inaptitude pour deux motocyclistes d'Ottawa qui ont eu le droit à la totale. Donc, leur désir de filmer leur exploit a eu l'effet d'un boomerang puisque la police s'est servie de leur vidéo pour leur imposer des centaines de points d'inaptitude et plus de 22 000 $ de contraventions à payer d'ici 30 jours. C'est la police de la MRC des collines de l'Outaouais qui rapporte l'arrestation samedi dernier. Deux hommes de 26 et 29 ans, vers 15h, un automobiliste a appelé la police pour les avertir que deux pilotes conduisaient de façon dangereuse sur la route 105 sud dans le secteur de Farrelton. Deux agents les ont interceptés près du poste de police de Wakefield en créant une boîte autour d'eux à un feu rouge. Il semble que ce soit la seule signalisation qu'ils aient respectée, alors que plusieurs automobilistes et camionneurs empruntaient la route pour le long week-end de l'Action de grâce. Au moment où les agents ont approché, affirme l'agent Martin Fournel, l'un des chauffeurs a même tenté de dissimuler une caméra vidéo et une policière a saisi la caméra ainsi que la carte mémoire. Le contenu de l'appareil était sans équivoque. Les deux ont filmé leur folle conduite, leurs nombreuses infractions et leurs dizaines de dépassements illégaux. Une policière a remis 21 constats au premier motocycliste pour un total de 113 points d'inaptitude ainsi que d'une amende de 10 968 $. Et le deuxième, âgé de 26 ans, s'est vu remettre 21 constats aussi et 116 points et une amende, lui, de 11 268 $. Pourquoi? On ne sait pas. Pourquoi? On ne sait pas si c'est quel... Pourquoi il y en a un qui est plus cher que l'autre, on le saura peut-être jamais. Mais les deux pourraient être accusés aux criminels de conduite dangereuse. Les deux hommes ont demandé la clémence de la policière car ils avaient besoin de leur permis de conduire pour travailler. Le conducteur de 29 ans est aux commandes d'une BMW jaune, une moto, et il a filmé la scène entre 14h05 et 15h02 et il a installé sa caméra sur son casque puis à proximité de sa roue arrière. L'homme a reçu un constat pour avoir roulé à 200 km/h dans une zone de 70 km et sur le site de construction de l'autoroute 5 et un autre pour avoir filé à 197 km/h dans une zone de 90 km. Au total, 17 billets à 233 pour dépassement sur des lignes doubles et deux autres pour avoir mis la vie des autres en danger. Son comparse de 26 ans au guidon d'une puissante Yamaha, lui, devra payer pour 16 dépassements à des lignes doubles, la mise en danger de deux vies ainsi que des vitesses de 200 km dans une zone de 70 et de 215 km dans une zone de 90. C'est une première en ce qui nous concerne, a déclaré l'agent Fournel sur cette montagne de contraventions. D'ailleurs, les motocyclistes ont failli percuter de face un camion de transport à proximité de la station de ski Vorlage. Quand même, hein? Oui. Changeons de sujet complètement. On va aller ici. Un homme qui a été blessé par l'explosion des toilettes et a décidé de porter plainte. Il s'appelle Michel Pierre, 58 ans. Il habite Brooklyn. Il avait tiré la chasse pour tester la pression après une coupure d'eau dans son immeuble le 2 octobre. La cuvette de porcelaine avait alors explosé. Certains éclats le blessant au visage, au bras et à une jambe. Et il avait dû recevoir 30 points de suture. Quand même, c'est ce qu'a précisé son avocat Sanford Rubenstein à l'Association France Presse. L'informaticien a désormais tellement peur qu'il tire la chasse d'eau avec une ficelle à distance, a-t-il insisté aussi encore l'avocat. Cette peur fait partie des dommages, a estimé donc cet avocat. Quand on tire la chasse d'eau, on s'attend à ce que l'eau coule et non à une explosion. Sanford Rubenstein a donc décidé de porter plainte contre la copropriété afin qu'un jury décide de dommages et intérêts. Immeuble de 16 étages daté de 1964 avant l'accident, l'eau avait été coupée pour des travaux de maintenance. C'est un terrible accident. Tout le monde se sent mal qu'une telle chose ait pu se produire. C'est ce qu'a déclaré l'avocate de la copropriété, Teresa Ratch. Et elle a précisé que 4 toilettes avaient ainsi explosé, mais qu'aucune faute n'avait été trouvée. Selon elle, c'était un vrai accident qui serait dû à une accumulation de la pression d'air dans les canalisations, oui, durant les travaux. Au moins, on nous a donné la réponse parce qu'on se demandait qu'est-ce qui avait fait exploser les toilettes quand même. Hein? C'est assez particulier. Et tiens, on va s'en faire une autre ici. Il demande à la justice de pouvoir faire l'amour. Donc, c'est un Sud-Africain accusé de recel de munitions qui a demandé à la justice d'assouplir ses conditions de maintien en liberté sous caution afin de pouvoir faire l'amour avec son ami. Hein? Et je le cite, « Je suis assigné à résidence et je ne peux pas avoir des relations sexuelles normales avec ma petite amie en raison de l'absence d'intimité », a déclaré Garrett Nishen, en tout cas, lundi devant le tribunal de Johannesburg, selon le journal. L'accusé, qui est accusé d'avoir volé et revendu des munitions de l'armée, habite pour l'heure chez son oncle. Quand le ministère public lui a demandé pourquoi il ne pouvait pas avoir son ami à son adresse actuelle, eh bien son avocat a répondu en son nom dans des documents judiciaires cités à l'audience que sa petite amie était une gémisseuse et qu'il voulait un peu d'intimité. Donc, c'est une madame qui chante fort. La star ajoute que l'avocat nie avoir dit cela et a accusé l'accusation de mensonge. La décision du tribunal est attendue la semaine prochaine. Et puis, tiens, on s'en fait une dernière avant d'aller en musique. C'est un restaurant qui impose le silence pour mieux apprécier. Donc, lancé il y a un mois, l'expérience a immédiatement trouvé son public dans une ville où le niveau sonore des restaurants est souvent très éprouvant et fait l'objet de plaintes régulières. Et il faut parfois réserver plusieurs jours à l'avance pour espérer dîner en silence. Et c'est surtout le vendredi ou le dimanche chez Eat, une petite salle de 25 couverts située dans le quartier branché de Greenpoint. Je veux donner la possibilité aux gens d'apprécier la nourriture avec une attention toute particulière, une expérience habituellement impossible lors de dîners bruyants, surtout dans une ville comme New York. C'est ce qu'explique son gérant Nicolas Newman, de 28 ans. Donc, interdiction de se parler pendant tout le dîner végétarien au menu fixe de 4 plats, sous peine de se retrouver dehors sur un banc pour finir son assiette. Ridicule. Moi, je trouve ça complètement ridicule. C'est bien si tu veux aller manger seul, mais si t'es avec des gens, je m'excuse, là, mais c'est sûr que moi, j'irai jamais là. Même seul, je pense j'irai jamais. Oui, c'est bien beau avoir la tranquillité, là, mais tu peux aller faire un tour en campagne aussi pour de la tranquillité, même si t'habites New York. Dans la petite salle aux longues tables de bois et de pichets de grêle, les clients jouent le jeu en dégustant le menu construit à partir de produits bio locaux. Pendant une heure, eh bien, ils savourent, regardent et se taisent comme coupé du monde, car les téléphones portables doivent être aussi éteints. Mais ça, moi, je pense que c'est la première des choses. Ça devrait même, avant d'exister un téléphone silencieux, ça devrait être un téléphone où on n'a pas le droit de rentrer, un restaurant où on n'a pas le droit d'entrer avec notre téléphone, ou sinon, on doit l'éteindre. Certains peinent à garder leur sérieux lors de cette expérience opposée à l'excitation permanente qui prévaut à New York. Nous venons ici avec nos propres intentions, si vous voulez. Nous savons à quoi nous attendre et nous ajoutons nos propres énergies à cette expérience, mystérieuse, la jeune chef du restaurant Elsa Schmitz, petit bandana violet autour du cou. À la fin du dîner, une fois le dessert savouré, le silence prend fin. Oh, merci les gars. Et Nicolas Newman répond par des applaudissements. C'était vraiment très agréable, commente Kevin Stokely, un jeune chimiste. Vous entamez donc un dialogue avec votre esprit et vous pensez à plein de choses, explique Morgan Yakous, qui a la trentaine. Comme la plupart des clients, elle explique être passée par plusieurs sentiments et avoir eu envie de rire, mais à la fin, ça vous donne un état de zénitude. Elle se sent zen et sereine. Alison Wise, elle, venue avec son petit ami, est elle aussi conquise, mais pour d'autres raisons. C'était vraiment agréable de passer du temps ensemble sans avoir la pression d'avoir à trouver un sujet de conversation. Ah là, au moins, elle trouve une bonne raison. Au départ, Nicolas Newman visait à un dîner silencieux par mois et succès oblige, il est rapidement passé à un par semaine. Il en coûte à l'amateur 40$ plus pourboire, un prix plus que raisonnable pour un peu de silence à New York. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Assemblage requis. On aurait pouvoir faire, c'est un fait. Oui! Oui! C'est un fait! C'est la ancienne version. Ouh. J'ai changé de thème de c'est un fait en cours de route, je me rappelais pas. Eh ben. Donc, c'est un fait qu'il y a des choses véridiques, véritables et vérifiables. Et allons-y avec quelques petites affaires. On va essayer de trouver la vérité derrière tout ça. C'est évidemment selon Internet, hein, c'est jamais vraiment toujours fiable. Mais si ton ADN, Justine, tu connaîtras peut-être le sujet. Oui. Si ton ADN était tiré, oui, bout à bout, on pourrait se rendre jusqu'à la Lune 6000 fois. Ah, ben c'est assez long, oui. Bon. Pour un pied? Elle a dit oui, fait que ça doit être vrai. Bon. Mais tu risques d'être mort si tu fais ça. Si tu sais ton ADN. Fais pas ça. Il y a 42 États avec un poisson officiel d'État. Dans le fond, 42 États des États-Unis ont un poisson d'État. Puis les bétaux? Ils n'en ont pas. Ils ont peut-être un fish and chip d'État ou la sauce tartare d'État. Des tartares. Oh, des tartares. Des papiers journaux. Eux autres, ils ont des mammifères marins. Ils n'ont pas compris le concept. Ah, tu sais, dans le sud, hein, des fois. Non, la baleine, c'est pas un poisson. Puis les requins, eux autres. Hein? Oui. Le cerveau humain a la capacité d'emmagasiner absolument tout ce qu'il vit. Mais on le fait pas, on choisit nos souvenirs. On pourrait, oui, si on voulait, retenir tout. Et il y a des gens qui ont, je sais pas si c'est un symptôme, une maladie ou quelque chose comme ça, mais qui peuvent retenir à peu près tout. On voit souvent des reportages à la télé sur quelqu'un qui se rappelle de chaque date dans sa vie. Ouais, ça a rapport avec la plasticité synaptique, en fait. On sait que dans le cerveau, il y a des neurones. C'est les cellules qui emmagasinent, dans le fond, l'information. Puis ces cellules-là, dans le fond, font synapse avec d'autres cellules, d'autres neurones. Quand on dit faire synapse, ça veut dire qu'ils rentrent en contact avec des contacts électriques, chimiques, ça dépend. Et puis, ces neurones-là ont la capacité de retenir de l'information, sauf que le cerveau a la capacité d'effacer des affaires qui leur sont pas utiles. C'est-à-dire qu'admettons qu'un neurone a été stimulé une fois pour dire oui, il y a une boîte de Kleenex là avec des petites fleurs, puis qui est plus jamais réutilisée. Cette synapse-là, elle va disparaître. Okay. Tandis que quand on parle d'un trauma où ce que ça a été tellement important que la synapse devient cimentée dans le cerveau, ça ne bougera plus. Donc, les personnes qui ont des mémoires infinies n'ont juste pas la capacité d'enlever des synapses inutiles. Ça devient vraiment une maladie assez encombrante. Ça doit. C'est pas drôle, mais pas en tout. Tandis que ceux qui oublient, ben, en tout cas... Ceux qui oublient, c'est moins fun non plus. Quasiment instantanément, ouais, c'est ça. Parce que j'ai tendance à porter grand-chose, on dirait. Apprendre de mes erreurs aussi, il faut... Ouais, mais tous les cerveaux sont différents, en fait. Ouais. C'est juste que c'est un mécanisme en particulier, il fait défaut là, dans le cerveau des gens qui retiennent tout. Tu vois, des cerveaux qui font des snaps. Moi, j'ai plus un cerveau qui velcrote. Okay. Des snaps, des velcro. Ou t'as un cerveau qui fait des snapshots. Ouais, comme Snapchat, hein? Ouais, comme mais j'essaie de faire un mot avec le... C'est pas super, Snapchat. Parce que ça s'efface, tu sais. 7 secondes, genre 8 secondes, tu peux choisir la durée de photo. C'est une application sur iPhone. Ah ouais. Oui, ah non, il ne faut pas faire ça. Les enfants, faites pas ça. Faites des vines à la place. Oui. Oui, j'adore ça, moi. Oui. Moi, je suis un peu accro. Oui, moi aussi, j'adore ça. Hey, je vais te suivre. Non, mais moi, je suis rien. Mais moi, je te suis. Ah, OK, suis-moi. Essayez de vous suivre là-dessus. C'est juste pas faisable d'aller suivre quelqu'un. Ouais, non, j'ai toujours pas compris comment. Ça marche pas en tout. Non, c'est son nom d'utilisateur à JP, puis j'arrive pas à le trouver. Non, il a fallu que j'envoie une invitation personnelle. C'est peut-être un réseau privé. Select. Oui, par pigeon. Ensuite, tiens, continuons en 1893, où on a fait un amendement à la Constitution américaine. Elle proposait de renommer le pays United States of the Earth. Les États-Unis de la Terre au lieu de l'Amérique. Je te jure, mais c'est un amendement, c'est, ça n'a évidemment pas passé. Ben voyons, qui a dit ça? Ça devait être la journée officielle Sarah de la Terre. Sarah Palin, man. Sarah Palin, man, qui voit la Géorgie. Sarah Palin, man. Le mari à Sarah Palin. Bon, c'est vrai. C'est vraiment que j'entends. Non. Ça, c'était en 1893. Si on va ensuite au sport, on sera au sport. Sur la passerelle. Il y a eu 1440 blessures reliées au ping-pong aux États-Unis en 2003. Mm-hmm. Je sais pas si c'est avalé une balle de ping-pong. Il y en a qui c'est sûrement tombé à cause de s'être affarché sur une balle de ping-pong. Je pense que c'est beer pong, tu veux dire? Non. Ouais. Est-ce que tu joues à ça? J'ai joué une... Non, deux fois. Une ou deux fois. Dans tous les cas, j'ai perdu. Ben, c'est pas grave. La musique, au moins, t'as bu. Oui. Au moins, t'as bu. Ben, tu vois pourquoi j'ai changé cette musique-là. Non, je l'adore, cette chanson. Oui, non, elle est super bonne, mais beaucoup trop calme. Tiens, on peut prédire la météo en regardant les insectes, nous dit encore une fois Internet. S'ils sont pas intéressés par les relations sexuelles, c'est qu'il va pleuvoir. Donc, évidemment, tu sors ton application iPhone. Oui. Tu regardes le moustique. Oh ouais, non, lui, il a pas le goût. Non, il a vraiment pas le goût. Je pense qu'il a mal à la tête, ça, ouais. Là. Wow, il va pleuvoir. Maintenant, on passe à la sympathie. La sympathie, OK, la différence entre la sympathie et l'empathie en anglais. En français, est-ce qu'on dit qu'on a de l'empathie envers quelqu'un? On dit pas, mais sympathie, c'est plus quand quelqu'un est mort. Mm-hmm. Donc, sympathie, c'est avoir pitié de quelqu'un, mais sans trop vouloir s'inclure. Donc, tu sympathises. L'empathie, nous dit-on, c'est la compréhension et le partage des émotions. Donc, c'est, j'ai de l'empathie, donc je peux comprendre comment tu te sens. Je le feel en guts. Mm-hmm. You know. Velcrotte. Velcrotte. Velcrotte. Les parts d'un magasin d'électronique qui s'appelait, en fait, qui s'appelle toujours Tweeter, T-W-E-E-T-E-R, ont augmenté leur part en bourse. Ont augmenté de 1000% la semaine passée parce que les gens pensaient que c'était Twitter qui vient de faire son entrée en bourse. Tweeter! Bien fait. Bizarre quand même. Mais bon, il n'y a pas de poursuite encore. J'imagine que c'est quand même protégé. Là. C'est un mot qui veut dire gazouillis littéralement d'oiseau. Là, oh mon Dieu, j'ai tellement parti d'une compagnie qui s'appelle iTunes, I-T-O-O-N-S, ou genre Apple à la place de Apple, genre Pear. Ouais, mais... hey, c'est quoi ton fruit? Là, tu dis Pear, mais c'est très très drôle parce que bon, et là je vais avouer une partie de ma vie dont je ne suis pas particulièrement fier. Mais vous savez que j'écoute beaucoup d'émissions de télé. OK. En rafale, tu sais. Et là, je suis sur. Ça, c'est quand ils vendent beaucoup en rafale. Ouais, et là, en ce moment, je suis sur un kick d'émission de Nickelodeon, donc des sitcoms pour genre pré-ado-ado. Et là, on est en plein visionnement de l'émission iCarly, qui joue en ce moment, en fait, qui vient de se terminer en décembre passé. Ça joue en français à VacTV. Okay. Et moi, je trouve ça absolument très, très, très, très, très drôle. Et genre que je veux pas que ça finisse. Et dans ces émissions-là, dans les émissions de choses d'Anne Schneider, qui fait Victorious, iCarly et un paquet d'autres, les téléphones, c'est des pair phones. T'as des pair pads. T'as des pair pods, t'as tout en pair, et ils ont vraiment le symbole d'une poire. Oh mon puis Dieu. C'est une parodie, c'est genre leur téléphone est en forme de poire. Wow! C'est bien drôle! Je trouve ça génial, c'est parfait. Puis ils en ont toujours deux, ils viennent en pair. En pair! Non, mais pour vrai, c'est très très beau et très très drôle, donc pair. Ouais. Pair. Pair. Pair. Ensuite, le terme pour. En fait, le contraire de quelqu'un qui est ambidextre. Le contraire de quelqu'un qui est ambidextre. Donc, ça veut dire quelqu'un qui ne peut pas rien faire. Rien faire. C'est ça. Unidextre. C'est ambisinistre. Ambisinistre, qui veut dire que t'es aussi mauvais les deux mains. Ah! OK. OK, mauvais des... Ambisinistre. Ambisinistre, c'est un vrai terme. Fait que là, mettons, quand ta blonde t'a dit « Ouais, mais chérie, asseoir, t'es ambisinistre. » C'est vas-y avec tes pieds, man. Ça t'aime. on parlait de télé il y a deux secondes. Est-ce que vous regardez plus de 6 heures de télé par jour? Mais non, mais négatif, non, ça se fait pas. Là. Mais si vous regardez... dans le fond, les scientifiques disent que vous allez mourir 5 ans plus tôt si vous regardez 6 heures par jour de télé. Ouais, mais moi, je suis ces scientifiques-là qui vous disent ça. Fait ben que, oui, arrêtez d'écouter la télé. Surtout pas... en tout cas, je vous dirais pas quoi écouter, là, mais écoutez pas certaines choses. Écoutez pas iCarly, ça, tu veux me dire. Écoute non, pas Victorious. Non, mais c'est pas juste le fait de regarder la télé, c'est le fait d'être assis sur ton steak pendant 6 heures à rien faire, tu sais. Donc, si t'as un Step Pro Ab Support Bread Roller 2000, oui. Puis que t'écoutes la télé, c'est moins pire. C'est ça. Mais parce bon. Que, je veux dire, tu passes déjà peut-être 8-10 heures de ta journée au bureau assis, puis après ça, tu passes 6 heures à la télé, devant la télé chez vous, ça te fait un bon bundle. Ouais. D'air. Ouais. Velcro. Et le cascadeur de Daniel Radcliffe, ça c'est Harry Potter, OK? Harry Potter, Daniel Radcliffe. Le cascadeur, c'est-tu un petit nerd avec des petites lunettes? Probablement. Je vois pas. Donc, mais faut pas rire de lui, par contre. Oh. Parce que le cascadeur de Daniel Radcliffe, pour les 6 premiers films d'Harry Potter, est paralysé à cause d'un accident sur le plateau d'Harry Potter lors de lorsqu'ils ont filmé Deathly Hallows. D'après moi, il a reçu un sort. Parce qu'il est pas vraiment paralysé. C'est un petit peu déplacé. Déplacé à, en roulant. Oui, OK, attends, il s'est paralysé quand? Pendant qu'ils filmaient Harry Potter and the Deathly Hallows. C'est quoi, c'est le sixième? C'est, genre, c'est l'avant-dernier, ouais, parce que Deathly Hallows, c'est lui qui était en deux parties, je pense. C'est le dernier, non? Je sais pas. Il me semble, en tout cas, c'est récent quand même. Excellent. Fait que, non, mais pas excellent. Il a fait les cinq premiers, puis c'était correct. Fait que, excellent. Excellent. C'est ça. Oh mon Dieu! Yeah! Comment ils vont faire pour l'autre moitié du dernier film? Ben, ils l'ont déjà plus rien à perdre. Ça va être un petit peu plus violent. il est tout accouché puis ils ont fesse dessus tout le long du film, c'est juste ça. ils ont demandé de réécrire l'histoire. Ah, il va falloir que Harry se fasse un petit peu plus péter. C'est une chance en or. Oui, c'est ça. Oh mon Dieu! Wow. On s'excuse. Puis quand il y a des relations sexuelles avec Hermione, c'est juste elle qui est juste dessus, il fait l'étoile. Oh. Oh mon Dieu! Ah. Voilà, mes sympathies. Oui, et mes empathies. Oh mon Dieu. On n'a pas appris grand-chose, on a eu du fun. Oui. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. La bière de la semaine. Une présentation de La Barrique, le magasin de bière à Trois-Rivières, 4170 Boulevard des Forges. Quand tu prends un coup, la vie est belle. Malgré les problèmes interrelationnels, y en a qui me disent des fois que je suis un peu à pic, que je prends pas toujours bien la critique. Mais ceux qui pensent ça, là, ben qui mangent la merde. Oh yeah! Le moment tant attendu! En tout cas, par nous! Hein? C'est pas nécessairement attendu par l'auditeur, mais c'est attendu par les animateurs, par les gars à radio. Salut, premièrement. Salut, Michel Matteau. Ben, salut, Danny Janvier. C'est cool que tu sois là pour la petite dégustation de la bière. Ben, je manquerai pas ça pour tout l'heure du monde. On va déguster aujourd'hui quelque chose d'assez spécial. Un ovni, finalement, qui est arrivé. Un objet volant non identifié, dans le sens que c'est quelque chose que personne n'a encore goûté. C'est une toute nouvelle bière. C'est la première fois qu'elle est brassée par les brasseurs RJ. Brasseurs RJ, c'est eux qui nous donnent genre la Titanic, la Dachouf, plusieurs bières québécoises qui sont assez disponibles dans les dépanneurs quand même. Qu'est-ce qu'ils nous font aussi? En tout cas, il y a un canon dessus, je pense que c'est ça, la canon, je pense que ça s'appelle. Sinon, dans les bières plus commerciales, c'est la Belle Gueule. La Belle Gueule, c'est eux. Qui est ma bière. OK, ben ça, c'est Brasseur RJ. D'accord. Donc ça, c'est le côté un peu plus commercial, mais à cette heure, ils ont compris, eux autres, que la micro, c'était ça, c'était la tendance, et ben ils ont foncé là-dedans. C'est eux aussi qui sont désormais les boss de chez Saint-Ambroise, McCausland. Ah, ils ont acheté Cette année, je pense, cet été. OK. Monsieur McCausland était rendu assez âgé, quand même. Ah, mais RJ, ça veut dire qu'ils sont devenus un gros joueur. Ils sont rendus un très, très gros joueur. Je te dirais, t'as à peu près Molson, Unibrew, et RJ au Québec, je parle. Ben oui. Sont très, très gros. Hein, c'est un Boréal aussi avec ça. Pas avec RJ, mais qui sont dans les gros joueurs maintenant. Aujourd'hui, ce qu'on déguste, eh bien, c'est un brassin spécial, édition limitée 2013. Ça s'appelle La Première Récolte. Et c'est brassé avec La Première Récolte de frais houblon québécois. Et tantôt, tu demandais à une Ale Harvest, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ça, c'est de brasser avec un houblon qui n'a pas été séché. Il est récolté dans les 24 heures. On te produit, on tourne la bière. Donc, ça va goûter le gazon. Ça va goûter la verdure, d'après moi. Mais on m'a dit que c'est pas... Tu sais, il y a des IPA, là, des India Pale Ale, ouais, qui sont très, très amers. On m'a dit que c'est pas tant amer que ça. On va le découvrir ensemble. Donc, on trêve de bavardage. Ah, oui, ben oui. Et ouvrons donc cette bière. Faisons un peu de glougloutage. Exactement. Baissez la trame. Là, c'est une grosse bouteille, format 750 ml. Format justement d'une maudite, un peu, là, le même format. Même genre de bouteille aussi. On va s'enlever la trame, on va écouter. D'ailleurs, ces bouteilles-là, une question en passant, c'est-tu consigné, ces bouteilles-là? Oui, elles sont consignées, elles coûtent cher même. OK. Au moins... Wow! Hier soir, ça a et elle est heureuse de me voir. Ah oui, elle est jeune. Précoce Fringante. Un peu trop précoce. Je ne l'ai pas brassée pourtant, mais bon, elle nous a brassé ça. J'espère que vous l'avez entendu. Moi, je l'ai senti. Sur ça, je vais m'en couler une petite bière, puis après, je vais te la passer de l'autre côté, pas okay. Au-dessus de la console. Genre. Je pense que je vais me lever. une bonne chose. À noter aussi, je dois m'excuser auprès de Mathieu Plante qui anime dans l'après-midi après moi et qui m'a fait comprendre que la mousse du micro sentait la bière quand c'était le moment de d'animer. Et bon, je m'excuse à toi, Mathieu Plante. Elle est très gazéifiée, un col de mousse extraordinaire. On parle de 7/8 de l'hiver. Exactement. Donc, elle est très heureuse, très jeune. Tantôt, je vais te demander de me prêter un peu de Kleenex, là, parce qu'il y en a partout, comme on dit. Non, vous inquiétez pas, tout ce qui est équipement technique est au sec, il n'y a aucun problème. Je sais avec l'habitude qu'il faut ouvrir une bière à côté de la console et non au-dessus de la console. Sur ce, eh bien, on va laisser un peu se calmer cette effervescence et y envoyer une petite gorgée. On va la sentir. On se ramène à la petite trame. Ça sent le frais. On sent que c'est jeune. Premièrement, une couleur blonde voilée, moi, je te dirais, parce qu'elle est peu filtrée. Mais pas quand même opaque. Il y a des blondes là, qui sont presque comme du jus d'orange. Celle-là, c'est pas ça. On voit quand même au travers. Elle laisse passer la lumière. Mais on voit qu'il y a une présence là, elle est non filtrée. Elle est pas c'est pas une bière claire. Là. C'est pas une blonde. Mm-hmm. Moi, je suis encore à l'odeur. Comme tu dis, ça sent la fraîcheur. Ça sent beaucoup la céréale aussi. Ouais. Très céréalière. On va s'envoyer une petite lampée. Facile à boire. Combien de bouteilles qu'on boit? ça se boit très, très bien. Pourtant, elle a quand même du caractère, mais pas... tu sais, c'est pas une... Je m'attendais à plus de houblon que ça. Après, avec ce qu'on avait dit, là, puis il parle de houblon. Puis houblon frais. Ouais, c'est ça. Moi aussi, personnellement, je m'attendais à quelque chose de plus houblonné et plus amer. Vraiment, je m'attendais à quelque chose. Tu sais, l'étiquette, pardon, de la bouteille, je vous la décris un petit peu. Une belle étiquette vintage, un peu beige, qui fait très, très terroir, très nature. Les couleurs, c'est brun. Noir. Dans les couleurs, je parle, c'est le brun, le vert, le noir. Toutes des couleurs de la terre. Et puis, c'est vraiment, on voit les gros, gros boutons, les gros buds de houblon. Et c'est comme tu dis, on s'attend à quelque chose qui va nous... Ce que moi, je voudrais revenir là-dessus, c'est que moi, les brasseurs RJ, je trouve qu'ils sont justement très at large. Ils font pas de bières qui sont très, très caractéristiques, très différentes. Ils veulent quand même une bonne masse. Ils veulent vendre la bière. Ouais, ben c'est ça. Moi je suis un buveur de belle gueule, fait que... OK. Je prends souvent le trio des connaisseurs, là. Oui. Puis j'ai ma bière, dépendamment de... Je la divise bien placée, là, parce que une petite rousse avant le dîner, puis, tu sais... Mais okay. Reste que c'est... Il y a pas une différence très marquée, mais elle est là quand même. On la goûte. C'est intéressant comme bière, mais c'est ça peut goûter à l'original un peu. Il y a une petite jeunesse là. C'est justement le goût de la fraîcheur. Justement. La fraîcheur. Puis je voyais ici parce que j'ai pris un peu d'informations puis que ça. Le petit texte que je t'ai envoyé. Ben oui, là. C'est ça. Puis ça a été récolté en Outaouais, ça, le houblon. Oui. C'est intéressant. Oui, c'est bien. Presque entièrement québécoise. Il y a peut-être les levures qui sont peut-être pas québécoises, sinon on nous en parlerait. Mais justement, en parlant de ce texte, je vous l'envoie. C'est une nouvelle initiative des brasseurs RJ. C'est la première récolte qui est brassée avec la récolte de houblon frais québécois. À chaque automne, le houblon est récolté car il atteint sa maturité. Il développe des arômes qui donnent à la bière des saveurs fraîches et appréciées, mais faciles quand même. Le houblon québécois sélectionné à la main a été livré moins de 24 heures après sa récolte. Caractère principal des bières de type Harvest Ale. C'est ce que je te disais. Il a été récolté à la houblonnière Lupuline, en Outaouais. Et elle se veut une initiative, cette bière, mettant à l'avant-plan les matières premières de la bière, intéressant de plus en plus les consommateurs, oui, de savoir d'où viennent les ingrédients et tout ça. Et les brasseurs RJ proposent donc cette bière exclusive à partir du 14 octobre chez les détaillants spécialisés et une semaine plus tard partout au Québec. Et ça, j'ai trouvé ça cool. Xavier de la Barrique m'a dit ça ce matin. Il a été le premier magasin à recevoir de cette bière. La plupart, c'est aujourd'hui que cette bière va rentrer. Et puis, le boss de chez ARJ, Aimé Coslon, est allé directement à la Barrique parce que c'est lui qui avait commandé le plus de caisses. Il voulait savoir, il connaissait pas la Barrique. Et puis, il y a eu une très belle rencontre avec Xavier. Donc, Xavier, un bon ambassadeur de la bière, disons, en Mauricie. Là. Mais c'est excellent. Oui, il y a peut-être une force qui est un peu décevante vu que j'avais quelques attentes. On s'attend à quelque chose de plus. J'avais des attentes. Mais c'est très bon au goût. Ça passe très bien. Je pense que c'est bien facile en mangeant. Ouais, absolument. Barbecue, là, c'est fantastique. No problemo. Et un bon format. Et je vous le dis, en plus, elle n'est pas vendue cher. Je ne parle jamais des prix ici, parce que des fois, on goûte des bières qui coûtent quand même assez cher. Cette bière-là, là, environ 7 $, moins de 7 $ pour une grosseur comme ça. Là, absolument. C'est pas cher. Entièrement québécoise, ou presque. Presque entièrement québécoise. Les boss sont québécois. C'est ouais. L'industrie québécoise, c'est boire local. Absolument. C'est une très bonne chose. Moi, ce qui me reste le plus, c'est vraiment à la fin, tantôt, j'ai arrêté pendant deux secondes d'en boire, c'est vraiment la céréale. Je trouve qu'elle a une grosse présence de céréales qui n'est pas désagréable du tout. Il y a quasiment un petit sucré, moi, je trouve. Ben okay. Moi, c'est ça, le côté céréale me fait un petit côté pain, là, un petit peu céréale, pain frais. Là. Mm-hmm. En tout cas, moi, j'aime bien cette bière, mais bon, c'est pas mon type à la base de bière. Mais moi, non, mais toi, t'es noir. Ben, moi, je suis une grosse bière, très forte, là, à en haut de 8%. J'aime ça. Surtout à la température qu'on a de ces temps-ci, là, le froid qui nous revient, la lumière qui disparaît, je trouve que ça prend quelque chose pour se réchauffer. Parlant de réchauffer, puis on l'envoie à tout le monde, hein, même toi, écoute, y a un concours avec la Barrique. On va aller chercher dans le journal Zone Campus, qui est disponible à peu près partout à Trois-Rivières, sur le campus aussi. Y a des coupons, un coupon réponse pour un concours de la Barrique et gagner un magnifique panier cadeau. Il faut juste inscrire sur le coupon l'indice qui est houblon. Okay. Ah. Et on met ça, on va porter ça à la Barrique. Il y a une boîte qui est prévue à cet effet. Et puis, il va y avoir le 31 octobre à l'Halloween. On vous fait tirer un beau panier cadeau. Et puis, il va en avoir d'autres. Il va en avoir aussi pour cet hiver. On va en avoir pour Noël. Et puis, ben, le concours est ouvert à tous. J'en veux. Ben, c'est ça. Vous avez juste à vous prendre un journal Zone Campus, découper le petit coupon et inscrire le petit indice et aller déposer ça à la Barrique. Très, très simple. Sinon, moi, je trouve qu'elle me réchauffe quand même. Ben, moi, réchauffe le tuyau. Réchauffe l'esprit aussi. Vraiment, je m'envoie une petite lampe, on va mettre la trame là. Sers-toi, Michel, hein, t'en avais pas gros, t'avais juste du cœur. J'avais juste de la boue. La bière est là, fais comme chez toi. Sur ça, eh bien, on va aller avec de la musique et on va aller avec Clopelgag, une pièce qui me tourne dans la tête depuis. Je vous dirais, depuis presque une semaine, ce week-end, j'ai fait de la route un peu et j'ai mis cette pièce-là. J'avais écouté l'album comme ça assez souvent, mais vraiment pas vraiment en l'écoutant. Il jouait, mais je l'écoutais pas. Et là, j'ai pris... Il y a une pièce qui m'a vraiment accroché. Il y a du petit beat. Le drum est le fun, la musique est le fun, le texte est le fun, même si Clopelgag a le tour de faire des textes sérieux et même... pas Jojo du tout, mais donner une légèreté. Belle découverte. Une très, très belle découverte. J'ai même entendu partout, là, Radio Cannes, partout, ils disent c'est la prochaine, on va en entendre parler partout. Moi, je trouve que c'est la nouvelle tricot machine un peu. Ouais, ben moi, j'ai une nouvelle fille à te présenter tantôt là, qui vient à Trois-Rivières. C'est son nom qui m'échappe, là, Chantal Archambault. Oui, on connaît. Qui est comparée à Lisa Leblanc. La okay. Nouvelle Lisa Leblanc. Et Chantal Archambault, nous, on la joue depuis longtemps ici. Très, très appréciée dans les radios universitaires. Fille de l'Abitibi. En plus. Donc, on va aller écouter la pièce « C'est comme des rames ». Et puis, vous allez voir, ça va vous rester dans la tête. Michel, tu vas voir, ça reste dans la tête. C'est une très, très bonne pièce. Profitez-en. J'ai croqué ta pomme.

C'était 40 pareil, mon ancienne intro. Mais oui. C'est aussi la version qui n'a pas de musique de fond, fait que ça va continuer à ne pas avoir de fond pour le reste de l'émission. Je pensais nous en sauver pendant la chronique. Ah, tu veux que je mette l'autre chanson, mais qui ça, pourrait quand même faire la job. OK. Vous allez voir ça, gang, est vraiment bonne. Merveilleux. Moi, j'ai jamais entendu. C'est, j'ai déjà entendu, mais c'est cool. Elle est bonne. Ça vient avec un drum, donc des percussions, puis à un moment donné, il va avoir de la bass. OK. Comme la majorité des chansons que j'écoute dans la vie. OK. Hein? Et puis ça, je peux faire un lien direct avec le groupe que je pourrais vous présenter aujourd'hui. Ils ont aussi des percussions et une bass. Vous le créerez jamais. C'est The Cranberries. Oh. Parce qu'évidemment, dans ta chronique, Justine aux platines, tu nous présentes un album qui t'a marqué dans la vie. Pour ceux qui ne te suivent pas à l'émission Les Palmarès, c'est fou. Ben oui. Puis à matin, en plus de m'avoir marqué dans le passé, les Cranberries me marquent ce matin parce que j'ai apporté avec moi mon petit sac de canneberges. Merci. Et ça vient directement du groupe de Cranberries qui t'a envoyé ça pour te féliciter pour ta chronique. Exactement. Pour me féliciter, oui. Qui n'avait pas encore eu lieu. Qui n'avait pas encore eu lieu. Et une chance qu'il ne savait pas que ça aurait lieu comme ça. Avec pas la bonne intro dans une émission où il n'y a pas d'environnement musical. Mais c'est correct, hein, gang, parce que de toute manière, il faut tous se réveiller à un moment donné du pied gauche. Puis toutes les autres journées de l'année, on va se réveiller du pied droit. Puis il fallait que ce soit la première fois. Là, je viens de briser la glace, puis pas à peu près avec ma tête. J'ai reçu un petit bout dans l'œil et tout, et ça va être excellent. Ça va fondre. Fait que toi, t'as les bleus sur le front. Jean-Philippe et moi, on a des poches sous les yeux, donc tout va bien. Ouais. Gang, avant de commencer, voulez-vous des canneberges? Pour vrai, vous pouvez vous passer de petits sachets. C'est bon, c'est des canneberges séchées biologiques. Ça goûte bon, ça goûte biologique. Je te laisse aller. Tu goûtes que je suis sur le café un petit peu. Je sais pas. Café canneberge, ça doit pas être mauvais, par exemple. Ben café canneberge. Café canneberge. Ça commence les deux par un C. Ça doit bien aller ensemble. Ouais. Par un C et un A. Ah, mais tu sais, d'habitude, chocolat canneberge, ça va bien. Et chocolat café, ça va bien. Fait que peut-être si on mettait les deux canneberges. On va voir. Par commutation, A est égal à B, B est égal à C, donc A est égal à C. Là. Ouais. Les cours de maths ce matin, c'est QFT. C'est bon, j'y vais. Donc, les canneberges, les Cranberries, groupe qui a beaucoup, beaucoup marqué mon enfance parce que ma mère était fan elle-même. Donc, elle avait leurs trois premiers longs jeux qui ont donné à la radio commerciale des succès hits tels que Zombie, Ode to My Family, Free to Decide, Linger, là, j'en passe parce qu'il y en a eu tellement. Et No Need to Argue est leur deuxième album studio et celui qui a aussi... connu le plus de succès mondialement. Mathieu? Rien, oui. Mathieu essaie de faire des tests pour que sa clé USB avec ses thèmes marche. C'est correct. Débranche la carte son qui fait que les MP3 peuvent jouer en général. Ah oui. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais vous avez ma douce voix, donc il n'y en a pas de problème. On parlait d'ailleurs de No Need to Argue. Donc, cet album-là, tout d'abord, là, parle beaucoup de déception, de guerre, d'amour, plein d'affaires vraiment, là, plein de feu, de furie, là, des affaires, des mots avec FR, là, comme des frifrais. Froufrou. Et en ce moment, là, il ne faut pas être déçu. De la qualité présente de la chose. Mmh. Donc, No Need to Argue, un album que j'écoutais dans les champs de fraises quand j'étais petite. Oui. Et non dans les champs de canneberge. Ça aurait été cool. Parce que ça pousse dans les champs, hein. C'est bien connu, les canneberges. Ça pousse pas des arbres. Mais non, mais oui, ils inondent les terres et après ça, ils récoltent les canneberges par inondation. Oui. À Saguenay, un moment donné, ça n'a pas marché bien. Ça a passé une nouvelle. Quelqu'un qui a oublié de fermer le robinet. Il est juste resté à la maison. La maison du producteur. Seigneur. On arrête tout de suite. On arrête l'émission. Mais non, c'est très bon. C'est okay. Très bon. On a quelque chose. Ça donne une bonne émission, ça, faire de l'improvisation de même comme ça. Je crois un peu par ça, j'ai bien de la misère. Savez-vous combien d'albums ils ont vendu de ce long jeu-là, là, sans farce? Là? J'imagine que c'est en kilogrammes comme des sacs de canneberges. Attends, si on est capable de faire la moyenne de déterminer à peu près, approximer, ça se dit, non. Le poids d'un CD. Non. Je sais pas. Fois 17 millions. Fois 17 millions. 17 millions, sans farce. Les canneberges ont vendu 17 millions de leur album No Need to Argue. Et l'album est musicalement plus mature que leur premier album, qui était davantage mélodique et planant. Moi, je l'ai adoré, le premier album, mais le deuxième a vraiment évolué en ce qu'on a apporté plus de rock, plus de distorsion dans les guitares. Et on passe ici à la chanson Zombie directement. Ce style évolué est d'ailleurs particulièrement bien agencé avec les sujets parfois sombres dont traite l'album. Je vous ai dit tout à l'heure, la guerre, la mort, l'amour, la déception, le manque de ma musique d'intro et des affaires qui fonctionnent ça pas. Ça parle de ça. Exactement, il y a une chanson précisément. Là. My memory drive doesn't work. Justine. Exactement. Et plus particulièrement, je vais beaucoup parler de la chanson Zambine tout à l'heure. Je vous dis tout de suite, soyez pas déçus, j'y jouerai pas. Parce que c'est trop tôt le matin. Il y a eu un décret par l'ONU qui a été dit Zambie ne peut pas être joué avant 14h de l'après-midi. T'es sûr c'est pas Jean-Philippe Charbonneau? Même si je n'écoute pas vraiment du grand oui. Au début, je pensais que c'était comme dans ça, ce qui était tout nu. C'est pas pantoute la même chose. Charbonneau, tout nu, pas sûr. Ça, tout à coup, je me retrouve tout nu. Donc, salut! Surprise! C'est les jeudis décontractés. Après les Casual Fridays. Ouais. Et donc, je vous avais dit, la guerre, c'est un sujet vraiment qui préoccupe beaucoup le groupe Zombies. le groupe The Cranberries. Et Zombie, la chanson, et non pas le groupe, traite des attentats de 1993 à Warrington, en Irlande, qui ont été revendiqués par l'IRA provisoire, c'est-à-dire l'armée de l'Irlande provisoire pour promouvoir la séparation du nord de l'Irlande du reste du Royaume-Uni. Vous en avez peut-être entendu parler. Et The Cranberries sont eux-mêmes un groupe irlandais, donc on peut comprendre leur intérêt pour l'attentat. Mais ils ont aussi écrit un paquet d'autres chansons au sujet de la guerre. Des fois, c'est en Bosnie, des fois, c'est ailleurs. Donc, je pense qu'en général, ça les intéresse et ça les préoccupe. Et tout ça, je savais pas ça pas tout en cueillant des fraises dans les champs à 6 h le matin, l'été, comme gang-pain. J'étais vraiment pourrie dans la cueillette de fraises. Mais au moins, j'avais du plaisir à bouffer des fraises dégoulinantes de pesticides en écoutant The Cranberries et leur album No Need to Argue. Là-dessus, si tout fonctionne bien, j'avais touché du bois, la mélamine, ça va faire la job. On va aller écouter tout de suite une excellente, excellente chanson de leur premier album qui s'intitule 21. C'est vraiment une chanson douce pour ce matin. Se réveiller en douceur, on va ressortir de notre lit, on va rentrer tout d'abord, puis on va mettre le pied droit par terre. Et à partir de là, tout va aller bien. T'as pas dit jandy, fait. Jandy, mettez votre pied droit à terre en sortant du lit. Hein, c'est fou. It's happening. This is what I say. C'était I Can't Be With You. Et juste avant ça, on entendait 21 du groupe The Cranberries, tout droit sorti de leur album No Need to Argue. Pas besoin de t'ostiner. Non. Modus. Hey, arrête. Elle va retourner te coucher. Mathieu. Ben là, moi, je peux-tu, par exemple? Suffit. Prendre l'exception à la règle. Donc, c'était Justine aux platines avec le groupe The Canberge. Si. Ouais, en France, ils appellent ça des cranberries. Des cranberries? Des cranberries, oui, des canberges. Je jure. Puis eux autres, ils nous disent qu'on est tout le temps en train de parler avec des anglicismes et tout, là. Fuck all. Fuck all, fuck all. Il y a agent, JP. Ouais! Comment? Ouais! Okay. C'est pas ça. De loin, des fois, on t'entend moins. Mais ouais, je m'excuse, je sais pas. Parler dans le micro, puis pas te parler de... Fouf, ça y est, je suis là. Good! On est correct, là? Merci, à toi, on va l'avoir. Non, mais ça me fait plaisir de vous partager cette musique-là, tout droit sortie de mon enfance. Donc, dans le cadre de ma chronique Justine aux platines, ici Pierre Brudeau. Mais expliquons le concept. On a parlé un petit peu au début, là, mais tu vas nous faire ça chaque deux semaines dans cette case horaire, jeudi à 7h30. Exactement. Donc, j'ai changé de case horaire. Ouais. T'étais au Palmarès, c'est fou, les après-midi. Oui, donc vous m'avez peut-être entendu. Peut-être que vous ne savez pas je suis qui. Peut-être que vous savez je suis qui. Dans ce cas-là, si vous ne connaissez pas mon adresse, tant mieux. Justine.Renaud. L'opinion émise ici ne reflète pas. Donc, c'est ça, c'est une chronique où j'avais présenté un album par deux semaines qui m'a vraiment marqué et auquel je peux relater vraiment là, des événements précis de ma vie. Comme là, cette fois-ci, c'était la cueillette de fraises. Mais je ne niaise même pas. La semaine dernière, c'était l'album Tragic Kingdom de No Doubt sur lequel on peut entendre, entre autres, Don't Speak puis Just a Girl. Et cet album-là m'a vraiment fait penser à la fois où j'ai découvert le groupe et j'étais dans une station de ski à Stoneham. J'étais assis sur un bas, j'étais avec mon amie Carolie Bussière, sa mère et ma mère, puis j'ai entendu Don't Speak pour la première fois et ça m'a complètement foudroyée. J'avais 8 ans. Wow. Ça a été mon premier album. Et The Cranberries, ça, c'était un des albums à ma mère, mais sur les 200 CD, là, c'est un que j'ai écouté le plus. Tu sais, quand ça commence à faire des stries, puis que les chansons, ils sautent, là. Désolée, maman, on la salue. C'est de ma faute. Bonjour. Exactement. Donc, c'est ça un peu le thème de ma chronique, juste comme revoir un peu la musique qui m'a vraiment marqué, mais en album, puis en période de ma vie. C'est une bonne idée. Ouais. C'était différent en plus de ton ancienne qui était plus. C'était très éparpillé, général, et des groupes que j'aime. Mais oui, mais Colin, j'aime tout. Mais de même, t'es une fille qui est polygoût. Polygoût? Polygoût, d'être polydent ou polyglotte? Ouais, ouais. Moi, je suis pas polyglotte. Polydent, c'est j'ai juste une glotte. J'ai juste une dent. Hey, en parlant dedans, je reviens du dentiste. Ah non, là? Oui, non, mais hier, mon Dieu, que ça a fait mal. Je dirais pas le nom de ma dentiste, c'était super, c'était vraiment très bien. Okay. C'est juste que moi, oh mon Dieu, ils m'ont gelé 4 fois, mais je chantais pareil. Puis en revenant après ça, j'avais vraiment, vraiment, vvraiment, vraiment mal. Qu'est-ce que tu t'es fait faire? Je me suis fait faire 3 couronnes, donc je suis triplement reine. Oh! Oh, I'm the queen of England. Là, le petit bonjour de la main avec la paume. On dirait qu'elle dévisse une ampoule, un peu. C'est pas combien de reines pour dessus. Ou qu'elle lave une fenêtre, un des deux. Ouais. Là, c'est les deux tâches principales d'une reine. Oui, évidemment. C'était marqué dans la recherche d'emploi. Ah! Compétences requises. Savoir dévisser des ampoules. Et pas payer à l'heure, elle, par exemple. Elle était payée à l'ampoule. Donc, Justine Renaud et Justine aux platines. Oui. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. On va aller s'amuser et rire un peu. Et au dépens de jeunes enfants, je le sais, mais c'est pas au dépens des jeunes enfants, c'est au dépens des parents qui sont un peu ridicules et imbéciles, on pourrait le dire comme ça. Eh bien oui, je vous fais un petit top des prénoms les plus excentriques. Hein? C'est l'officiel des prénoms qui vient juste de sortir en 2014, l'officiel des prénoms 2014, pardon, qui vient de dévoiler son palmarès des prénoms les plus prisés en France et dans plusieurs pays francophones. Je vous en ai parlé. Eh bien oui, encore une fois, Emma et Nathan sont les tout premiers, hein, les noms les plus prisés donc dans la francophonie. Et ben là, on va faire un petit coup de projecteur sur les prénoms qui n'auraient peut-être jamais dû être attribués. C'est bien beau, Emma et Nathan, mais il y a certains prénoms qui sont en effet très durs à porter et ils suscitent moquerie et hilarité dès l'enfance. Et même ici à la radio, où ils suscitent l'hilarité. Hein? Ils collent à la peau toute une vie, ces prénoms, et les parents ont laissé fonctionner à plein régime leur imagination pour un résultat qui n'est pas toujours... du meilleur effet. Donc, un petit florilège des pires prénoms attribués dans le monde. Et c'est des vrais prénoms. C'est des vrais prénoms attribués. On ne vous dirait pas où sont ces enfants parce que je pense que ce n'est pas une bonne idée. Donc, on y va ici avec les prénoms. Premièrement, les inclassables qui sont, je vous dis, des bijoux de prénoms. Premièrement, le nom qui a été utilisé ici, un nom qui s'appelle, un bébé qui s'appelle Térébenthine. OK. Cyprine. Ça, Cyprine, ça peut aller. Clitorine. Clitorine. Mais vous appelez votre petite fille, « Oh, ma belle petite clitorine. » Je sais pas. Dieu merci. Bah, ça ressemble à Dieu donné. Hein. Moi, je pense que c'est pas si pire que ça. Sainte-Marie, comme nom. OK. Fetna, OK. Et le champion à la fin, une petite fille qui s'appelle Vagina. Hein? C'est-tu pas beau, une petite fille qui s'appelle Vagina? Sinon, les prénoms prétentieux. Eh bien, il y a un bébé qui s'appelle Merveille. L'autre qui s'appelle Prodige. L'autre, Privilège. Privilège Tremblay, demandez au secrétariat, s'il vous plaît. Privilège Tremblay. Élite et Saviore. Hein, c'est des prénoms de péteux. Sinon, les prénoms qui veulent dire autre chose, comme Néon. Oui, le Néon, le petit Néon. La petite Paprika. Le petit Cheyenne. Princesse. Son prénom, c'est Princesse. Princesse Thibault. Hein? Princesse Janvier. Romance, Sésame. Dimanche. Mais dimanche janvier, ça ne marche pas. Tu ne peux pas appeler ton enfant dimanche janvier. Un peu spécial. Noisetier. Alors ça serait parfait pour Marcel Leboeuf. Genoux plantes, s'il vous plaît. Animé de main de maître par genoux plantes. Non. Yoga et barreau. Pourquoi pas? Les prénoms attribués par des parents qui sont des fans finis, comme Oasis, Playboy, un autre prénom, Jedi, Bound, comme James Bond, mais c'est le nom. Son nom, c'est Bound Charlebois, Bound Thibault, Bound... Non, ça marche pas. Cobain, comme Kurt, de son vrai nom. Le prénom Google, oh, le petit Google, fais-moi donc des petits Google, pipipi, non. Excel et le fameux hashtag, hein, on en avait déjà parlé. Les prénoms historiques, Aristote, Casanova, Vercingétorix, Mona Lisa et Magellan. Ça aussi, c'est assez prétentieux, disons. Moi, je trouve que j'aurais mis ça dans les prénoms prétentieux. Et les prénoms gourmands, et c'est encore des vrais prénoms, le prénom Pomme. OK. Cerise, framboise, prune, vanille, mango, hein, mangue, cajun et burger. Burger. Moi, j'ai un de mes chums qu'on appelait burger, mais bon, c'est pas la même chose. Et moi, je me rappelle toujours du petit Masturbin aussi qui était sorti dans le palmarès à un moment donné. Mais bon, semble-t-il, pas en 2014. À la place, on a Clitorine. C'est parfait. Masturbin et Clitorine forment un excellent couple. En tout cas, ça ne demande rien de plus, c'est juste ça. Sinon, ici, on a Au Bon Coin, qui est une annonce insolite qui a été retrouvée sur le site Au Bon Coin. Elle proposait un éventail, la possibilité d'acquérir une air guitar. Hein? Pensez-y. Sinon, à Moscou, c'est le restaurant Twin Star qui n'engage que des jumeaux. Donc, un restaurant de Moscou a trouvé un concept original d'employer que des jumeaux. Ainsi, le bar est tenu par des frères jumeaux et le service est effectué par des sœurs jumelles. Un concept original qui semble plaire à la clientèle de plus en plus nombreuse et fidèle. Et on croit avoir la berlue ou être complètement sous, mais sans l'être. Hein, c'est un peu ça. Sinon, on intègre des puces électroniques anti-braconnage sur les cornes des rhinocéros. Moi, je pense que c'est une très, très, très bonne idée. Et puis, ici, dernière nouvelle qu'on va se faire, je pense, pour la journée. Eh bien, on apprend que les Oreos sont aussi addictives que la cocaïne. Eh bien, oui, quand vous en consommez à manger, eh bien, vous ne parvenez plus à vous arrêter. Les Oreos sont ces gâteaux noirs et blancs à la crème vanillée qui sont peut-être votre péché mignon. Eh bien, des chercheurs américains ont découvert pourquoi. L'équipe de Joseph Schroeder, professeur de psychologie, directeur du programme de neurosciences comportementales à l'Université du Connecticut, a soumis des rats de laboratoire à de la morphine et à de la cocaïne. Ils ont ensuite proposé à ces mêmes rats de déguster des Oreos et des gâteaux de riz. Comme les humains, les rats ne semblent pas prendre beaucoup de plaisir réussir à manger ceux de riz, précise le docteur Schroeder. En revanche, les rongeurs se sont jetés sur les Oreos et, selon les analyses des chercheurs, manger ces gâteaux bicolores leur aurait procuré plus de plaisir que les stupéfiants. Les chercheurs ont en outre eu la surprise de découvrir que pour déguster les petits gâteaux fourrés, les rats ouvraient en deux les Oreos afin de manger la crème fourrée au milieu en premier, pareil comme on le fait tous à peu près. Si les chercheurs avaient choisi les Oreos, c'est parce qu'en plus d'être les cookies préférés des Américains, ils sont très riches en graisse et en sucre. Sucre, Danny. Nos recherches ont démontré la théorie selon laquelle les aliments saturés en graisse et en sucre stimulent le cerveau de la même manière que les drogues dures, précise Schroeder, qui dirige l'étude. Ce qui peut expliquer pourquoi certaines personnes ne peuvent résister à ce type de nourriture en dépit du fait qu'elles savent très bien que c'est mauvais pour elles. Donc, les aliments saturés en graisse et en sucre sont addictifs et contrairement aux drogues dures, ils sont accessibles et beaucoup moins chers et à toute heure du jour. Hein? Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. Fukopi, c'est une mascotte de firme japonaise qui provoque la risée. C'est un fabricant japonais de réfrigérateurs pour professionnels, le Fukushima Industry, qui risque de devoir changer le nom de sa mascotte, malheureusement appelée Fukopi, donc un nom vite associé sur Internet à un terme peu châtié en anglais conjugué au ciboire, au débois. C'est moi là, qui fourche la langue hein, de la centrale atomique de Fukushima hein, qui a été accidentée. Pour cette gentille mascotte en forme d'œuf et aux ailes bleues et avec des gros pieds rouges qui arborent un grand sourire, les communicants de la société Fukushima Industry, raison sociale tirée du patronyme du fondateur, ont fusionné une partie du nom de l'entreprise Fuku avec la fin du mot anglais « happy » d'où vient « Fukopi ». Outre, certains ont immédiatement pensé au vocabulaire anglais plus grossier, fuck, va te faire fuck up et va te faire foutre. Le surnom de la mascotte a vite été détourné avec le verbe qui veut dire foirer, un qualificatif que certains appliquent aux pépins qui ponctuent les travaux à la centrale Fukushima. Une porte-parole de la firme qui a souhaité ne pas être nommée explique que pour beaucoup de médias, on a parlé de la mascotte qui a créé un malentendu pour lequel l'entreprise présente des excuses. Nous allons repenser à ce nom, voire le changer, a-t-elle indiqué. Il est fréquent que au Japon, les entreprises aient des mascottes utilisées pour la promotion de leurs produits ou services. Les régions ont aussi leurs propres personnages vedettes et même parfois des institutions ont leurs mascottes. Les Japonais sont outre des adeptes de l'utilisation de termes étrangers sans hélas en maîtriser toujours le sens. Ça fait fuck up en tout cas. Vous allez voir, fuck, ça fait pas une bonne mascotte en tout cas. Sinon, des lycéens protestataires se teignent les cheveux en vert. Hein? On a les femmes, on a d'autres choses. Et là, ben, c'est des élèves qui... des élèves d'un lycée de Commercy dans le Meuse qui se sont présentés avec à leur cours avec des cheveux en vert pour protester contre la supposition d'une sanction infligée à l'un de camarades qui avait eu la même fantaisie. Donc, environ 50 élèves sont venus au lycée avec des cheveux verts, selon eux, pour protester contre la supposée exclusion de leurs camarades, bien qu'aucune sanction n'ait été jamais prise. L'affaire avait commencé il y a une quinzaine de jours lorsqu'un lycéen avait en effet s'était présenté avec les cheveux teints d'une couleur pistache. Mais ce sont ses parents qui ont demandé un entretien avec le chef d'établissement auquel l'élève a consenti à se déteindre les cheveux. Reste qu'à ça a commencé à faire jaser, l'affaire s'est amplifiée et les camarades ont manifestement cru qu'il avait été sanctionné ou tout le moins contraint à se déteindre les cheveux. Le proviseur du lycée Henri Vogue, Frédéric Carlier, a rencontré lundi tous ceux qui étaient venus avec les cheveux verts et leur a proposé de débattre des limites d'une tenue et d'un comportement approprié dans le cadre d'un conseil de la vie lycéenne. Il n'y a naturellement eu aucune sanction pour ceux qui s'étaient teints les cheveux, encore précisé le rectorat. Ben c'est bien, au moins juste de... peut-être ils se sont emballés vite, mais juste au moins de prendre... De prendre une cause, moi, je trouve. C'est quand même... C'est déjà bien pour ces jeunes de lycée. Hein? Ici, quelque chose de complètement inutile, ben à peu près comme le reste. Hein? Si ma Ah, je peux arriver. Oui, ben, inutile, mais vous allez voir quand même assez dîner de con-esque, comme j'aime bien le dire. C'est une tragique histoire de John Jackson qui est mort, ou en tout cas serait mort, d'une overdose de bonbons à la menthe. Voici son histoire. Attends un petit peu, j'ai de la misère. L'ordi. Donc, survenu en mai dernier, c'est le décès accidentel de John Jackson, un Anglais de 40 ans qui serait lié à une overdose de caféine due à la prise de bonbons énergétiques à la menthe. Donc, le 2 mai dernier, la vie de John Jackson, peintre et décorateur à Dalhouston, près de Birmingham, en Angleterre, s'est brusquement achevée. Le corps inanimé de ce Britannique de 40 ans a été ainsi retrouvé chez lui par sa conjointe. À l'époque, Robin Balmain, le médecin légiste chargé de l'autopsie, avait enregistré le décès comme un accident. Mais quelques mois après les faits, ce dernier est sorti de sa réserve pour évoquer les véritables causes de la mort de John Jackson. D'après des informations publiées par The Independent, Robin Balmain a révélé devant le tribunal que John Jackson aurait en effet succombé à une overdose de caféine après avoir ingurgité des bonbons énergétiques à la menthe de la marque Hero Instant Energy Mint. Ce type de confiserie, pas encore commercialisé en France, se présente comme une alternative aux boissons énergétiques de type Red Bull et autres et contient effectivement une quantité de caféine qui est de 80 mg équivalente à ce que l'on peut trouver dans une canette de boisson énergétique. Je le cite, « Il semble que les autorités doivent être au courant de cela », a commenté Robin Balmain et cité par les indépendants. « C'est à eux de prendre les mesures. Cette situation est potentiellement dangereuse. Je suis aussi certain qu'on peut l'être que M. Jackson ne savait pas qu'il s'exposait à ce danger pareil. » Les conclusions du médecin légiste ont été appuyées devant le tribunal par une enquête menée par des pathologistes, le Dr Draganas Vijan, et celle-ci a notamment affirmé que les analyses avaient mis en évidence la présence de 150 mg de caféine dans l'organisme de John Jackson au moment de sa mort. En proie à des problèmes d'alcoolisme, John Jackson souffrait d'une cirrhose au foie qui a pu empêcher son système digestif de fonctionner normalement. Mais le docteur Svijan est catégorique. Ce sont bien les bonbons à la menthe qui sont à l'origine du décès. Et je la cite, « À ma grande surprise, ce décès n'a pas été directement causé par la cirrhose, mais par une overdose de caféine. » C'est ce qu'elle a expliqué dans le The Independent. L'autopsie a montré des traces d'autres drogues, mais dans des très, très petites quantités. C'est la première fois dans ma carrière que je rencontre un cas d'overdose de caféine. Cela a été confirmé par des experts dans le domaine. La quantité trouvée était vraiment énorme et en accord complet avec la thèse d'une mort causée par un excès de caféine dans le sang. Choquée, la belle fille du défunt a demandé publiquement à ce que ses bonbons incriminés soient retirés de la vente. Sur la boîte, il est écrit qu'une tablette est égale à une canette de boisson énergétique, a déclaré Rebecca Court. Et c'est incroyable, ils sont rangés dans le même rayon que les bonbons ordinaires. La marque, elle, a déjà commencé à préparer sa défense dans un communiqué publié sur son site Internet. Et je les cite, « Toutes nos pensées et nos condoléances vont à la famille et aux amis de M. Jackson. Toute l'équipe de Hero Energy a évidemment été attristée par la nouvelle de cet incident isolé. Et chez Hero, nous comprenons bien les risques de la consommation de caféine. De ce fait, nous parlons beaucoup de ces risques et nous les soulignons à chaque fois que nous en avons l'occasion. Nous avons beaucoup de consommateurs satisfaits. Leur santé et leur sécurité est très importante pour nous. » Et ajoute-t-il. Quand même, hein, moi, overdose de caféine, ça doit être en plus tellement désagréable. Hallucinant, vraiment. Sur ce, eh bien, on pourrait aller en musique. Je pense qu'on va aller se faire un segment des mille et une chansons à avoir entendues dans sa vie. Et aujourd'hui, on s'en va écouter une pièce que moi, j'avais connue de Janis Joplin, qui est « Piece of My Heart ». Mais non, là, on va vous parler de « Big Brother and the Holding Company » de 1968. « Sur scène, je fais l'amour à 25 000 personnes. Ensuite, je rentre toute seule chez moi », dit Janis Joplin, au sommet de sa gloire à la fin des années 60. Aucune autre chanson du répertoire de la fée du blues ne résume mieux que cet état d'esprit que « Piece of My Heart ». Enregistré en 68 pour l'album de « Big Brother and the Holding Company », « Cheap Thrill », « Piece of My Heart » s'empare de l'original « Soul d'Emma Franklin, la sœur d'Aretha, Aretha Franklin, bien sûr, pour en tirer 4 minutes de douleur gutturale et de hurlements de guitare. La voix de Janis doit peu de choses à celle de Franklin et devient la marque de fabrique de la hippie du Texas. Dès le « Oh, come on, come on, come on » jusqu'à la « Deep down in your heart, I guess you know that I can't write. Never, never, never, never, never hear we, never me when cry at the night. » Donc, qui veut dire un peu, « Au fond de ton cœur, tu sais que ce n'est pas bien de ne jamais entendre quand je pleure la nuit. » Janis instille dans la chanson des mots de cœur aussi personnels que réels. Peace of My Heart doit en effet autant à Big Brother and the Holding Company qu'à Janis. Emma Franklin dit ne pas avoir reconnu la chanson quand elle l'a entendue pour la première fois. Toutefois, elle a eu l'élégance d'ajouter « Sa version est si différente de la mienne que cela ne m'affecte pas ». Le claquement des guitares est bien dans l'esprit de 68 et les solos doivent beaucoup à Cream ou à Hendrix. Nombre d'artistes comme Sammy Hagar de Beverly Knight ont repris ce morceau, mais la version de Big Brother and the Holding Company demeure celle à l'onde de quoi toutes les autres doivent être jugées. En 2003, 35 ans après avoir été numéro 1 dans le Billboard, l'album Cheap Thrill a été classé 338e dans la liste des 500 plus grands albums de tous les temps établie par le Rolling Stone. Cette pièce a été influencée par Strange Brew, des Cream, on la connaît bien cette pièce. Elle a influencé entre autres You Had Me de Joss Stone en 2004 et elle a été reprise par Marmalade en 68, Dusty Springfield en 68, Brian Ferry en 73, Bonnie Tyler en 77, Etta James en 78, Sammy Hagar en 81, Faith Hill en 94 et par Beverly Knight en 2006. Donc, dans le segment des millions de chansons à avoir entendues dans sa vie, on s'envoie la pièce, on s'envoie Peace of My Heart. Yeah!